Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation du marché bonichois Neveu de la Verlochère. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 173 de Su Papa Cassette. Oui! Ça va, Jeff? Ça va, Sébastien? Oui, tu nous as rajouté... Ben oui, un petit bonus en jeune de poitrine pour être dans la vibe, là, puis parce que c'est donc bon du microtonal. Exactement. Alors, pour les gens qui étaient présents, avant que le show commence, c'est ça, c'est un petit meme là, sur TikTok de Sébastien dans jeune de poitrine, le track Fabienk. C'était bien drôle. Fabienk. Mais j'ai appris quelque chose aussi, parce que j'ai fait une publication sur la page de Retro MTL qui a crissement bien marché. Là, oh, ici, le jeu du Super NES dans le jean de poitrine. Puis il y a un single qui s'appelle Mata Ziklek. Oui, puis c'est les motos d'Excite Bike. Exactement. C'est coeur, hein, mais c'est une autre façon de dire motocyclette. Ah ben oui. Parce qu'ils ont un autre tour, eux autres, qui s'appelle genre... Hot Dog, là, à l'envers. Hot Dog à l'envers, puis... Tohog, quelque chose du genre. Tohog, exact. Et puis, il y en a un autre, c'est Sardinians. Puis ça veut dire sardine, tu sais. Probablement. Fait qu'ils s'amusent avec ça. C'est ça, ouais. Alors, j'apprends des choses. Et ils nous disent Sébastien dans les tunes. Puis tu nous as mis la toune de Charlot puis Hervé, des pierres à feu. C'était un doublé musical avant de rentrer en onde, comme ça, là. Exact. On vous dit bye. La pizza, les hold-oy, on a tout ce qui est en vogue. Alors, on est à l'épisode 173, puis là, oui. Ça serait trop facile de faire Brian Eward puis Michael Ryder. Alors, on va faire le numéro 17, au-dessus d'un souvenir. Il y en a 35, hein? J'en ai plusieurs, mais je sais pas, vas-y. Vas-y, avec un que tu penses. Ah, tu te rappelles plus, je savais que c'était pas vrai. Je vais pas me commettre, sinon. Non, c'est ça. Ben, on va y aller avec l'excellent Chris Campoli. Ah! Avoue que tu l'avais oublié. Non, je me rappelle pas de lui. Ben, il avait joué pour les Highlanders avant. On l'a eu un an, Chris Campoli, donc en 2012. Et puis, ben là, il y en a beaucoup. J'aurais pu te dire Jean Béliveau, hein, quand même. Oui. Et puis, Jean Béliveau, un an seulement, au numéro 17. Peut-être qu'il a porté le 17 pendant un an en 1951. Ah, il doit être ailleurs après ça. C'était quoi son numéro à Jean Béliveau? 10? Donc? Maurice Richard. T'es mélangé. Je suis pas un gars de chiffres. Lecteur numérique. Lecteur numérique. Et numéro 3, il y en a beaucoup aussi. On va y aller avec J.C. Tremblay. Ah! De 1960 à 1972. Grosse run avec LCH quand même. Il a vécu les belles années. Ouais, quand même. Exact. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à bord. King Nadera est en place. King Matt. Tous les Kings sont là. King Matt Québec, bonsoir. C'est une soirée de King. Oh oui, c'est la soirée des rois. La royauté. La royauté est là. Du schlag. Steph Talbot qui continue son full set de show live. Donc, ah ouais, il réussit. Il lâche pas. Et toujours pas à l'affiche dans notre Twitch, là. Ah, c'est vrai, il continue de pas apparaître, pauvre gars. Il n'y aura pas de traces de son accomplissement. Il y aura des traces vocales. Des traces vocales. C'est encore mieux, là. En effet. Jim qui est là, qui salue les beaux messieurs. Salut. Doigt coupé du Québec. Bonsoir, gang, qui est là. Et puis, Finger Cut, doigt coupé du Québec, qui a comme 100 diamants, là. C'est une affaire, non, ça? C'est des cadeaux. On reçoit 3,5 piastres maintenant, là. Ça paye pas souvent. Non. À un moment donné, je suis comme, oui, je reçois je genre 4 piastres. 6 mois pour recevoir 4 piastres. C'est tellement minime que tu le vois même pas passer, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas grave, on fait pas ça pour l'argent. Pour la han, on fait ça pour les Doritos. Oui. Alors, on remercie Monseigneur Neveu du marché bonichois de Laver-le-Cher, qui reste encore 2 sacs de Doritos. Mmh. Alors, ça compte. Donc, c'est commandité. C'est commandité. C'est pas parce que j'ai oublié d'enlever le panneau au début, là. C'est juste, il reste des Doritos. Là. C'est ça. Mais il sait qu'on l'aime pour toujours. Oui, mais oui. Et On fait ça pour les cents. On fait ça pour les chicks. Pour les nanas. Se ramener de la cocotte. Exact. On se gâte de la cocotte avec ces spectacles-là, nous autres. King Nadera qui dit qu'il y a trop hâte à Lyle au The Line. Ça s'en vient. Ouais, j'ai. C'est quoi son numéro? Je sais pas, mais. Ça doit être 18, hein. Mais je pensais aux années de vache mec du Canadien qu'on a vécu dans les 15 dernières années en regardant le Canadien bien jouer en 2e et 3e période mardi, pas en première, là, mais. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, Glenn Métropolite, puis, tu sais, l'autre, Scott Gomez, là. Ouais. On a passé à travers tout ça. Ah, écoute, on a passé à travers bien pire encore, là. Mais, oui. C'était épouvantable. Travis Moen était. C'était quelqu'un, là. Le champion de la Coupe, Travis Moen. Le gars qui a compté le but victorieux de la Coupe, Travis Moen. Avec les Ducks, t'as-tu? Je pense que c'est avec les Ducks, ouais. Ah, man. Quel homme. Mais oui, on n'est pas habitué ici au Québec, avec le Canadien, d'avoir du hockey relevé comme ça. Ça fait... D'avoir des gars proches de 50 buts puis 100 points. Là. Mathias et le Snake disaient qu'on n'a jamais eu un premier trio aussi excitant que ça depuis Lafleur, Lemaire et Schott. C'était cœur. Hein? T'as-tu vu Slaf monter à Poc comme Lafleur? C'est extraordinaire. Man. Moi, 2027-2028, là, on va être dangereux. Oui, moi, je suis d'accord. Le deuxième trio va être stabilisé rendu là, je pense. Ben, j'ai des rêves de deuxième trio là, de genre Demidov avec Zaroski puis Michael Hage. Exact. Mais c'est qu'on sait pas qui jouerait au centre. C'est pas grave. Ça serait Michael Hage. Ces six joueurs-là vont être imbattables dans la ligue. On aura le meilleur top 6 de la ligue. Là. Ah, je suis d'accord. Puis même que Hage pourrait signer d'ici la fin de l'année, je pense. Mais s'ils sont éliminés tôt, ils pourraient le signer puis le faire venir. Ou le faire venir. Ben, signer. J'ai entendu qu'il pourrait. Peut-être être à la dernière game parce que là, son équipe ou ce qu'il joue en ce moment est dans les finales ou je sais pas quoi. Exact. Là, ça. Fait qu'il pourrait être là. Les dates concorderaient pour qu'il vienne pour la dernière partie, peut-être. Là. Puis je suis pas spécialiste, mais ils font ça aussi pour brûler une année de contrat de contrat de joueurs mineurs, recrues, machin. Je sais pas, ils disent ça dans les podcasts. Ouais. Là. Fait que j'imagine que ça rend service aux joueurs parce qu'ils brûlent une année sous-payée. Ben, payé pas cher. Parce les que années, c'est en bas de 10 games, des contrats genre, de recrues, pas, c'est pas cher. Ouais, c'est ça. Fait que là, il brûle ça, puis il c'est atteint... C'est pas cher, 850 000. Ouais, c'est ça. des peanuts. Un pet. C'est le coût d'un banc de parc. Ben oui. Pensez-vous qu'on va marquer 50 buts? J'étais pas sûr. Moi, je pense que oui. Mais quand je l'ai vu marquer 3 goals dans une partie, puis après ça, c'était pas moi, oui, là. Moi, je dis qu'il va en marquer 51. 51, ouais. Hein? Andriy Kovalenko. Ouais. Puis Slav 30. Il est à combien, là? 27. Ah oui. Il est capable de se rendre à 30. Moi, je l'aime depuis qu'il s'est rasé les cheveux, là. Ah ouais, hein? Ah, j'ai pas vu pas ça. Vu? Non. Il s'est fait raser chez Cole Caulfield. Il a dit, je suis allé voir mon coiffeur chez Cole Caulfield, puis je voulais me faire raser. Okay. Il a fait ça lui-même. J'imagine que c'est lui qui a fait ça. Ils ont commandé un rasoir sur Amazon, un clipper, puis il a fait ça. Ouais, ouais. Ah boy. Hey, on dit que j'ai l'air d'avoir une perruque. C'est parce que je veux me faire pousser les cheveux longueur Kenny Reeves aux épaules, ici. Ouais. Puis là, j'étais un entre-deux et demain, vendredi, je quitte pour la Beauce parce que c'est les funérailles de mon beau-père. Ah ouais. Alors, c'est demain soir et samedi matin. Alors, si vous passez par Saint-Joseph, mesdames et messieurs, vous pouvez venir saluer. C'est rare, dans notre époque, les funérailles qui sont longues comme ça. Ah, ben oui. À cette heure, le monde, c'est genre 2 heures, puis dépêchez-vous de sortir, ça coûte une fortune. Là. Ah, ouais, là, man, c'est la Beauce, là. C'est l'église, tout le monde c'est du village. Le gros pactole. C'est le gros pactole géant de la grosse affaire, là. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, si vous voulez venir rendre hommage à l'excellent Guimond Roy demain soir et samedi, je serai présent à Saint-Joseph-de-Beauce. Signer des casquettes. Et puis on va peut-être aller se finir au bar sportif La Tour, l'autre bord de la rue. Ce serait souhaitable. Je voulais l'acheter, moi, La Tour. Le bar La Tour? Je t'ai dit ça? Non. Alors, on en pourra en reparler. Wow. J'ai passé proche. Et puis, dernièrement, fascinant. Alors, c'est ça. Fait aussi, c'est pour ça que je dis, puis là, bon, vous l'écoutez en différé, ça vaut plus rien, mais je pense pas réussir à, je réussirai pas à préparer le stock. Fait que ça va être disponible lundi prochain. Ah, pour l'épisode? Pour le publier, là. Ou je peux m'en occuper si tu veux, là, mais ça peut être le. Ben, faut que je fasse les visuels. Mais là, on dit ça à du monde qui le savent pas parce qu'ils écoutent en direct. Fait que, ou quand ils vont l'avoir, ils vont l'avoir. C'est ça, je dis, ça donne rien, je dis ça. Pour le monde qui sont là, mais sur le monde qui sont là, ils écoutent déjà. Ils sont là. Au pire, tu peux aller poster le lien vers la rediffusion Twitch en attendant, si les gens sont si impatients. Non, ils sont capables d'attendre quand même. Fait que sinon, en intro, on n'a rien, mais on voulait revenir sur le passage de Bruno. Oui, un épisode spectacle. Fortement écouté. Ben oui, absolument. On a topé le 1600. On était comme à 1000 en même pas une semaine. J'ai dit, mon Dieu, OK, là, les gens étaient présents. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à Bruno d'être venu sur le show. Ben oui. Puis oui, les views ont monté très vite. Et puis, il y avait du hype, on le sentait. Et puis, il y a eu beaucoup de commentaires sur YouTube aussi. Ouais. Puis bien sur Meta. Des beaux commentaires. Alors, on a tout lu ça et puis on a eu vraiment du fun pour vrai. Et puis, ça coulait tout seul. On s'est assis, puis bang, on l'a fait. On a ri, puis on se serrait à la pince. Puis, je réécoutais genre la critique en vidéo, parce que des fois, je recheck nos trucs, puis j'étais comme... La critique de Bruno, ça aurait pu être là, ouvre là, 10 ans, puis c'est la même affaire. Là. C'est ça. C'est aussi tight, là. Il y a rien qui a changé. Exactement. Fait qu'on leur fera peut-être, là, si ça y tente. On a tous eu bien du plaisir. Toujours un micro disponible. Là. Exact. Ben oui, on en a plein. Rien que ça, des micros, des chaises. Ça va donner une occasion de relancer Monseigneur pour plus de Doritos puis essayer de se retrouver une commandite de bière. On n'a plus rien. Il y a 007 Jeff qui demande si on est des buveurs de vin puis on boit quel style de vin? Je bois du vin quand il y en a ou dans des soupers ou whatever, mais mettons, moi, je bois le vendredi soir. Je vais pas m'ouvrir une bouteille, me couler une coupe. Ouais, c'est rare que tout seul, moi aussi, je m'ouvre une bouteille, là, à moins d'avoir des petites bouteilles, mettons, là, ou de vouloir la finir au complet, là, ouais. Ce qui est un projet de soirée. Là. Exact. Mais vin rouge, moi, sinon, là, tous les dimanches au moins, avec mon père, mon frère. Là, ouais. Deux grands amateurs de vin, les deux, moi, je les laisse choisir. Votre trip, moi je bois des bonnes bouteilles après ça, fait que c'est correct là. Puis t'as pas un style particulier. Non, le Beaujolais, le Merlot. Non, je suis vraiment pas ce niveau-là, moi. Je peux savoir si je l'aime ou pas, ou si il est bouchonné ou pas, là, mais ouais. Chaque année je vais aux les grandes dégustations SAQ à cause oui, que mon père. Tu vas te torcher là à chaque année. Ouais, moi, mon père disait, tiens, on a des billets VIP, puis t'as genre 60 tickets. Alright, t'as des gros vins chers que. Pas un moyen de me payer. Là. Exact. Et d'alcool fort. Hein. Et des décisions douteuses dans le rem en revenant. Ah oui. Ben, c'est. Moi, non plus. J'ai pas de connaissances en vin du tout, en fait. Fait que je préfère le rouge aussi, bien sûr, en mangeant. Ben, tout le temps, en fait. Quoique le blanc, je m'y habitue un peu. L'été, là, c'est le fun. Là. Exact, exact. Petit barbecue. Là. Mais that's it. J'ai pas plus de connaissances de ça. On parle de barbecue à Bob le Chef. Ouais, il Bob le Chef a une brand, là, genre de vin en épicerie. Ah ouais, le vin d'épicerie, man. Mais c'est du vin qui se retrouve pas en épicerie normalement. C'est lui qui fait affaire en France. Puis, il a décidé de distribuer là au lieu d'aller dans les SAQ parce que Bob le Chef est plus grand public. Là, fait que ça faisait plus de sens pour lui de faire ça. Je l'ai entendu sur un podcast parler de ça récemment. Fait qu'il dit que son vin, il est level France SAQ, mais qu'il bypasse ça pour le shooter dans les épiceries. Mais qu'il donne, dans les épiceries. Il distribue en épicerie à la place de le distribuer à la SAQ. OK. Ben, donc, on a Finger Cut qui envoie, qui dit beau, bon, pas cher. Donc, à essayer les vins de Bob le Chef. Puis, ouais. Hein? Envoie-nous une coupe, Bob. On va les reviewer. Oui, envoyez-vous, on va faire des reviews. Hey, c'est vrai, absolument non connaisseur de vin. Il faudrait qu'on step up et qu'on passe au vin ou au cocktail pendant le show. J'aimerais ça boire un Negroni pendant que je podcast. Bon, on va jeter ça, les Doritos. On va monter au caviar. Oh, des petites tartines. Là, Dredd, ça, son vin est excellent pour le prix. Bah, c'est ça. Une gorgée de vin, une tome, c'est comme... Oh là là. Parce qu'on parle de ça, S6 Frank dans le chat qui dit qu'il arrêtait de boire, ça fait 7 mois avant, il buvait tous les vendredis depuis 20 ans. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler vite fait. Il y a un podcast qui existe qui s'appelle, je pense que j'en ai parlé, ça s'appelle On jase bière. Okay. C'est avec les propriétaires de la microbrasserie Alchimiste. Okay, ouais. Et puis, j'en ai parlé, hein, c'est ça. Fait qu'ils ont continué. Tu sais, moi, ces nouveaux podcasts-là, je me dis, oh my God, ils vont faire genre 4 épisodes. Ils vont se dire qu'ils n'ont plus le temps, puis ils vont tout arrêter ça. Mais ils continuent. Et puis, leur dernier épisode, ça parle de tout ça. Le monde, tu sais, parce que moi, je vois rien que ça du monde maintenant heureux qui ne boivent plus, parce qu'ils ne boivent plus, sont heureux. Oh my God. Oh, ouais. Puis eux autres, ils essayent. Ben, c'est ceux qui fabriquent de l'alcool, là, mais c'est pas. C'est pas ça le point. Il questionne aussi, tu sais, comme ça, le balancier est tellement rendu dans le côté l'alcool, ouais, les c'est pas bon, tout ça. Plus ça là, ça microdose à la place. Là, ben, ça microdose, ça game, ça reste chez eux, tu sais, ça fait. C'est-tu tout bon, ça, tu sais, tout le monde. Ah, moi, je bois plus, mais comme, je vape du weed 4 fois par jour, là, tu sais, c'est pas. Mes poumons sont pleins d'humidité, mais c'est correct, là. Exact. Puis le monde font du moche, il y a du moche partout à cette heure, des jujubes. Ouais, tout le monde fait de la crise de dope. Tout le monde est. Mais faut pas boire, par contre, parce que un ça. Un peu de LSD, machin. Rien là. Exact, la I, Fait que, moi, je suis d'accord avec ça, puis je pense que je vais recommencer à boire plus. Ouais, le retour aux sources. La 50. Des bières qui te font roter et qui goûtent genre la moufette. Là. Exact. La bleue, la Molson Dry. Ramenez-nous ça. C'est pour ça qu'on est malheureux. On a tout arrêté ça. Il faut recommencer. Quand j'étais jeune, puis je buvais juste de la Molson X parce que j'étais cassé. J'étais plus heureux que maintenant. Ben oui. un va dans l'autre. C'est ça. C'est une corrélation directe. Là. Exact. King Nadera qui dit que la pale ale américaine de Alchimiste est tellement bonne. Oui, puis il y a quelqu'un qui nous en a donné ici. On avait un pack. Alors, il reste une bière dans le frigeur. Il faudrait remplir ça après ça. Oui, il faudrait j'y aille en effet. Mais moi, je les ai trouvées très bonnes. Leur rousse aussi. C'est... Je me force présentement à boire de la rousse. Bon, j'ai tellement bu de la petite Boréal rousse à l'université. Oh, on a entendu parler. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Et puis, alors, je me force à boire des rousses, puis celle de l'alchimiste est très bonne. Voilà. Notre Saint Graal commence à grandir. C'est... Ah, ben, le Saint Graal, tu veux dire tous les cadeaux qu'on a? Les cadeaux des auditeurs. Ben là, oui, le poster cache, d'Aventure aux Arts, les albums d'Aventure aux Arts. Les livres et ça. Puis là, toutes les canettes vides puis les sacs de Doritos vides, on les a enfilés dans le coin comme des hoarders. Oh là là. Bon, hey, il faut continuer le spectacle parce qu'on a des affaires. Fait qu'on s'en ira tout de suite en collection. On s'en va en collection. La belle musique de Cooper Sec. Du bateau de Final Fantasy II. Oui. Bateau volant. Bateau. Bateau. Alors, on commence tout de suite, mesdames et messieurs, avec une folie. Oui. Avec la fleur Cancan. Voilà. La Talking Flower. Donc, sinon, en français, la fleur Cancan de Nintendo. La fleur de Mario Wonder. Okay. Exactement. Ils en ont fait un bibelot parlant de ça. Et puis, ça coûte 40 tomates disponibles chez tous les endroits respectables, comme Retro MTL. On en a ici. Puis ça s'est bien vendu aussi. Là, je montre les pourtours de la boîte. Le pourtour. Un pourtour. comme tu vois, alors voilà, c'est très mignon. Tu l'as dans plusieurs langues. Et puis, je l'ai déballé, puis je vais vous la montrer ici. Regardez ça comme c'est... Hey, j'ai de la misère à m'aligner aujourd'hui. Regardez ça comme c'est joli. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est plus petite qu'une boîte à pain. Elle rentrait de côté dans une boîte à pain. Elle rentrait facilement de côté d'une boîte à pain. Ça va pas une boîte à pain dans le décor, là. Ouais, c'est une unité de mesure, ça. Ah, d'après moi, plus gros qu'une boîte à pain. Ben, quand j'ai reçu mon télévision Sprint, je t'ai envoyé une photo avec un pain, genre devant aussi. Là. J'adore cette unité-là. Ah, c'est une unité de mesure. Je sais pas si tu te rappelles du podcast de la commission des geekers. Ils gardaient toujours ça, les unités de mesure weird. Là. Je leur avais appris le tocon aussi. C'est un tocon. Là. C'est une poignée. Un tocon. C'est un moton. Poignée. Bref, la fleur Cancan qui est ici, elle a un bouton que vous voyez en avant. Quand vous pesez dessus, elle dit quelque chose. Mais quand vous faites rien... Elle parle de même, une fois de temps en temps, dans random, elle te dit des affaires. Et puis, tu programmes une heure de coucher et une heure de lever. Puis, elle va se fermer à gueule entre ces deux heures-là. Puis, elle va parler tout le temps, sinon après. Puis, quand tu mets ton doigt sur mute, elle dit « Ah, je vais te laisser tranquille. » Mais elle te laisse pas tranquille. Elle sonne à toutes les heures. OK. Elle dit l'heure à toutes les heures. Elle dit l'heure. Fait que dans le fond, quand tu as mute, elle arrête de parler jusqu'à la prochaine notification qui est la prochaine heure. Puis là, elle repart. C'est comme une horloge. Là, C'est une horloge qui dit l'heure tout le temps, mais entre les heures aussi, elle dit plein d'affaires. Okay. Puis elle arrête de parler entre les deux alarmes que tu y as mis. Alors, je vais vous la faire. Je vais la faire parler. T'es-tu capable de baisser le son de la musique, moi? C'est bizarre, une fleur qui parle. J'ai faim, pas toi? Tu aimes les légumes? Ça fait du bien de s'arrêter un peu de temps en temps, hein? On est à l'abri des sbires de Bowser ici, t'as vrai? Les sbires de Bowser. Et là, quand tu veux la muter, elle dit. Je te laisse tranquille un moment. C'est même pas vrai qu'elle fait ça. Fait que ça à quoi, la mettre en mute, toi? Ben, là, là, il est 8h20, alors elle dirait plus rien jusqu'à 9h. Okay. Là, à 9h, elle dirait « Il est 9h! » Puis elle crie, là, tu sais. Là, je vais y refaire. C'est creepy. T'es quelqu'un d'extra. Tu as passé une bonne journée? J'en veux une. Puis des fois, ben, moi, je l'ai caché dans la maison, genre, puis pendant qu'on soupait de la flamme, Eureka! J'ai une bonne idée! Tout le monde disait, what the fuck? Puis là, moi, je suis comme tombé en amour avec parce qu'elle me dit des belles choses. C'est malade. Puis tu sais, mon fils revient de la maison, puis là, c'est comme, tu as passé une bonne journée? Tu sais, c'est comme des fois, ça fit. Ouais. Fait que là, ça remplit la famille de bonheur. J'ai faim, pas toi? Jusqu'à. T'es une plante. Ah, elle vient de le dire, là. Ça, un chasseur, ça change ses chats, ça sent son chien. Bon. Pas mal, hein? Tranquille. Alors, c'est ça. C'est un grand moment de radio. C'est un grand moment de radio. Les gens, ils l'entendent bien dans le chat. Alors, voilà, écoute, puis moi, je capote, là. Je suis en amour avec ça, puis ça me remplit de bonheur. Puis je laisse ça chez nous. Puis pour vrai, c'est un bel objet aussi. Mais c'est beau pour elle. Comme, c'est solide, ouais. C'est très beau. Puis bien sûr, un jour, tout le monde va se tanner dans la maison. Ils vont dire, ferme ta crise de plantes. Alors, j'enlèverai les batteries et puis je vais la mettre comme bibelot simplement dans ma game room. Supported language, D-E-E-N-E-S. Danois, anglais, espagnol, français, italien, japonais, coréen et d'autres langues que je sais pas c'est quoi les abréviations. Exact. Fait que ça, tu peux tout setter ça en dessous, dans le fond. Avec des dip switch? T'as rien. Oh. Direct ici, il y a l'écran pour mettre les, okay, les alarmes et tout. Ben, je vais vous faire les langues. Attends, renlève le son. Oh. Français. Espagnol. Espagnol latino. Deutsch. Deutsch. Italiano. Netherlands. Portugais. Nihongo. Fait que là, quand tu joues à Mario Wonder, tu sais dans tous les pays comment est-ce que c'est quoi la voix. Ah, ouais, ouais. C'est des comédiens, ça, là? C'est du monde des voix. Des, il aurait fallu que ça sync avec le jeu de Mario Wonder que j'en l'entends. Là, ah, ben, ça, ça aurait été fou. Hein? Mais des textures que tu rentres, c'est juste random. Puis comme random, ça... ah, random. Okay, c'est random. Puis ça marche à batterie. Donc je pensais qu'elle se chargeait USB-C, ah, ouais, mais c'est des vraies batteries qu'il y a là-dedans. Ça, j'aime un peu moins parce qu'on on a tendance à les oublier. Ah, là, puis ça coule. Des 2A ou des 3A. Des 2A, alors. Oui, 2A. Pour, 2 2A. Pour 4A. Bon. Alors, voilà. Très bel objet. Bien content d'avoir ça. C'était un bon gag qui était sous-estimé. Je vais le ramener. Alors, ben, tant qu'à être dans le mood, on va continuer là-dessus. Avec, c'est sorti aujourd'hui, ça, mesdames et messieurs. Et c'est disponible sur Retro MTL, un grand magasin de jeux vidéo. Pour 110 tomates, vous pouvez vous acheter Super Mario Bros. Wonder, incluant aussi le genre de mini-jeu, je sais pas quoi, Meet Up in Balabel Park. Alors, je sais pas ce que c'est. C'était une affaire qu'ils ont donné ou vendu en plus pour Mario Wonder, que je n'ai jamais essayé. Un DLC, genre? OK, j'avais pas vu. Fait que là, ça, ce n'est pas un Game Key Card. Alors, ceci est la version finale bâton de Everything Mario Wonder est là-dedans. Alors, j'avais pas. Fait que si tu l'as pas sur Switch 2, prends cette version. Eh ben, c'est plus cher que sur Switch, mais c'est pas grave. Même que cette version-là va marcher sur Switch 1 aussi, je pense. Ah ouais. Et puis, moi, j'avais présenté ici la même chose pour Kirby Forgotten Land. Moi, j'ai acheté ces jeux-là sur Switch pour y jouer. Puis là, sur Switch 2, il sort ça. Ouais. Pour complet toute sa cassette. Tu comprends que c'est de la collection, ça, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai déjà joué à ça. Mais là, moi, c'est le gamme de la préservation. Everything est là-dedans pour Mario Wonder. Alors, c'est complet en ce qui me concerne. Il y a King Matt QC qui dit que si on a la version Switch 1, l'update est 29$. Ah, bon, ben voilà, voilà. Puis oui, Mario Galaxy, le film sort le 1er avril. Je vais essayer d'aller voir ça au cinéma, en effet. Qui te spoil tout avant que le film sorte encore. Exact, on a vu Fox aujourd'hui. Ah ouais, bon, ben OK, ça va être Nintendo Expanded Universe. Là, c'est... Exact. Quand est-ce qu'on va voir Kirby? Kirby, Chris, question de temps. Puis dans le fond, c'est vrai. Si Mario Wonder est 80$ Switch, puis que ça coûte 30$ pour l'update, ben, ça revient exactement au même prix qu'acheter ça physique. Fait que moi, à votre place, je l'achèterais physique. Je suis Retro MTL. Ben oui. Comme ça, c'est complet. Ça vous appartient forever. Et d'ailleurs, les jeux numériques de Nintendo vont baisser de prix. Ça s'en vient, je pense. Ah. Oui, on a vu des annonces de ça. C'est pas officiel encore, mais je pense qu'ils seraient moins chers que les physiques. C'est de quoi qui s'en vient, ça. On nous a dit ça ce matin. Les employés ont dit ça. Deuxième affaire, il s'agit de Shinobi Art of Vengeance, mais la version 10e anniversaire. Oh! Ouh! Alors ça, mes amis, je sais pas c'était combien le coût de ça à la sortie, mais maintenant, c'est à peu près... Ben nous, Retro Mutuel, on avait ça, on l'affichait à 140, price charting, c'est à peu près à 120. Alors, c'est comme un variant rare, ben un variant moins commun du dernier Shinobi, que j'avais critiqué ici, puis que j'avais donné, je pense, une note parfaite, d'ailleurs. Et puis... Fingercut, il dit que c'est officiel que les jeux numériques sont 10$ de moins que le physique maintenant pour Nintendo. Alors, c'est fait. Et alors, j'ai acheté Shinobi, la version normale. Je l'ai déballé, je l'ai joué, je l'ai fait à 100%. Je l'ai critiqué, j'y ai tout donné. Des jokes de Pérus. Et puis, je l'ai revendu. Et puis, on s'est actionné. Et puis, quand j'ai vu ça dans le rachat chez Retro MTL, il est scellé. Alors, c'est pour ça qu'il y a un petit protecteur de plastique aussi. Alors, je vais garder ça pour la tablette et jamais déballer ça. Puis, je trouve le cover absolument magnifique. Alors, c'est un objet de collection. Tu sais, ça, pour moi, c'est comme avoir Blasphemous, le variant, variant Limited Run, au lieu d'avoir la version Retail. Messenger, la version... J'aime avoir les versions... Je suis prêt à payer comme un innocent... Pour le même crise de jeu, mais avec un cover différent que je déballerai jamais et que je mettrai sur ma tablette. Ben, c'est pas mal ça de la collection. C'est ça. C'est ça la collection. J'étais encore là-dessus. Il nous en reste pas 007 JF parce que c'était du rachat. Donc, on n'a jamais eu ça disponible, nous autres, chez Retro MTL. On avait la version retail qu'on a encore des copies présentement. Mais ce variant-là, on n'y a pas eu accès. Alors, ça, c'est quelqu'un qui l'a acheté direct chez Limited Run, nous l'a vendu. Très heureux de ça. Un autre jeu Switch, il s'agit de Absalom, dont Bruno a parlé ici, et puis il s'agit d'un beat'em up roguelite, et tout le monde dit que c'est absolument fou, malade, puis tout ça. C'est sorti depuis un bout, et puis je m'étais retenu, mais là, Bruno, il m'a achevé, là, et on a fait un restock ici chez Retro MTL, puis je me sentais un peu bizarre de pas acheter ce jeu-là, parce que tout le monde me disait, Crime, c'est dans tes cordes, là, prends ça. Alors, j'ai pris ça, puis je vais y jouer un moment donné. Dot ému. C'est 55 tomates pour l'acheter neuf. Neuf? Chez Retro MTL. Oui, monsieur. Et la dernière chose pour aujourd'hui. On va passer rapidement sur ça, parce qu'on va y revenir. Oui, mais on va... Pas rapidement, mais ouais. Mais ouais, sur le gameplay, parce que... Sur le gameplay, exact. Tiens, je l'affiche pareil. Ça nous concerne, nous deux. Oui. Il s'agit du jeu Nintendo NES The Trial of... Carzoid. Donc, attendez, je vais sortir mes notes parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça. C'est un homebrew. C'est un homebrew développé par le Québécois Pascal Bellil et publié... Ah non, on va en parler tantôt, ouais, c'est vrai, excusez-moi, je suis en train de tout faire ça. Non. Alors, c'est rentré. Ben ça, c'est ça. C'est Pascal Bellil, qui est un Québécois, qui a créé ce jeu-là. Il s'agit d'un Arkanoid Venia. Et puis, moi, je connais Pascal parce qu'il y a eu l'émission de Télé-Québec « À quoi tu joues? Ouais, » ouais. Ils sont venus tourner un épisode ici chez Retro MTL pour mettre en lumière les vieux jeux, mais faits de nos jours. Fait qu'il avait invité Pascal pour parler de ce jeu-là, puis il avait invité Collector Vision aussi parler de leurs jeux Atari, Coleco et tout ça. Donc, JF Dupuis. Et puis, c'est Yannick Demartino qui était l'animateur cette émission-là. Fait que tout ça était disponible, mais je suis allé voir, puis là, c'est plus disponible. C'est plus sur le site de Télé-Québec, malheureusement. On a tourné ça, je l'ai-tu écrit? Ça fait quand même un an et demi, là. Ça fait un bon bout de temps. Et puis, voilà. Donc, on va le critiquer tout de suite après JF, parce qu'on y a joué les deux. On l'a fini les deux. Oui, c'est assez rare. Critique où on a fini le jeu les deux. Exact. Et puis, vous voyez la belle couverture ici de Félix Laflamme. Félix Laflamme était un illustrateur québécois aussi, qui est reconnu, qui œuvre beaucoup dans les skateboards et les affiches de shows, de la musique, tout magnifique, ça. Là. Absolument. Puis, Félix, c'est ça, c'est une personne de grand talent. Alors, il a prêté sa plume, ses pinceaux pour faire la pochette de ça. C'est magnifique. Et puis, moi, Pascal, il m'a envoyé cette Limited Edition. C'est écrit ici, Limited Edition. Alors, ce qui vient là-dedans, ça vient avec un petit sachet, comme quand tu achetais un jeu Nintendo à Noël, quand tu étais petit. Donc, quand tu ouvres le petit sachet, moi, cette édition-là vient avec une cartouche mauve translucide. Ah, wow! Comme ça. Ça fit, hein, le package, le branding. Là, alors, c'est très beau. Puis là, en dedans, il y a comme une... Ah, la plante vient de dire qu'il est 8 heures. Ah, je l'aime assez. Mais mélangé parce qu'il est 8h30. Right? Ouais, on peut pas donner le score du Canadien à la place. Les numéros de la loto. Alors, voici ma cartouche qui est mauve parce que c'est une édition spéciale. Sinon, c'est des grises. Ça vient avec une petite sleeve Nintendo, bien sûr. Et il y a des petites cartes. Là. Les cartes de Marius et... Oui, c'est ça. Il y a des cartes de personnages dans le jeu. Ça, c'est un autocollant. Puis toi, t'aimes ça, les cartes, les collants. Ah ouais, j'aime ça. Ben, ça fit dans la boîte. Ça, ça marche. C'est un full set. Là. Fait que je le pardonne. Et puis, il y a un livret format NES, donc à l'horizontale, oh, wow. Comme ça. Là, comme dans le temps, tout est là. Et page blanche, prendre des notes. Exact, pour prendre des notes. Faites ça jamais va. Ça. Voilà. Et puis, voilà, voilà. J'essaie de retrouver. Y a-t-il des dessins? Ben, un dessin de la manette NES. Les power-ups, tout ça. Là. Alors, très beau. Beau et une belle affiche. Ah oui, un beau poster. Toi aussi, t'en as une. Hein? T'as un collant puis un poster, toi aussi. Ouais, moi j'ai l'ai pas ouvert. Par contre, mon... Non, mais je l'ai mis à l'extérieur, dans la boîte. Je t'ai mis un protecteur de NES, puis je t'ai mis ça dedans. Le missile, j'ai été chercher, j'ai été me prendre la rhum. Exact. Je vais juste ma pocket. Parce que pour le prix, je vais y revenir. Alors ça, c'est l'affiche, dans le fond, qui réplique le cover. Alors, super beau, ça. C'est super beau. Une version physique vous coûtera 80$ et il faut aller sur le site web homebrew-factory.com. Et puis, c'est là que ça se passe. Il y en a des copies. Toi puis moi, on a eu ça gratis. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Pascal m'a dit que présentement, il essaie d'en faire produire d'autres, mais il a besoin d'avoir un variant bilingue ou français aussi pour vendre ça retail ici au Québec à cause de la loi. Et lorsque ce sera fait, on devrait être capable d'en avoir chez Retro nice. MTL. Nice. Je sais pas quand. C'est long. Là. C'est tout des affaires artisanales quasiment. Ouais, fait que je sais pas quand, mais on est en communication. Et si vous voulez acheter la ROM pour jouer, c'est 10$ sur theoldgamemaker.itch.io. C'est sur itch.io, hein. Fait que cherchez The Trial of Karzor, vous allez le trouver tout de suite. Là, sur itch.io. Ouais, mais tu cherches dans Google, il sort en premier aussi. Là, fait, son lien pour acheter le jeu aussi, il y a un lien vers la ROM là, qui coûte 10$. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tout est là, tout est très achetable. Ouais. Attendez pas après Retro MTL parce qu'on sait pas, là, mais ça va peut-être venir, whatever. Mais si vous voulez. Si vous voulez jouer, allez chercher la ROM. Si vous... Après ça, quand ça sera disponible, rachetez-le. C'est un très bon produit. Absolument, absolument. Mais là, je dis 80 en canadien, mais là, c'était en euros. Ah ouais. Mais j'ai converti, c'est ça. Mais je pense à part d'Europe. Donc voilà, on va critiquer ça après. Très beau package. Ah ouais, je remercie énormément Pascal. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, moi, je suis très content. Là. On est très heureux de ça. J'ai mis ça dans ma collection à côté de ma boîte de Kekel, Québécois. Je suis très c'est content. Clair. Des belles boîtes. Ben oui. Fait que toi, JF, t'as des affaires aussi. J'ai un truc, moi aussi. Je vais tasser mes choses. Donc voici, on va tasser tout ça. J'ai une belle boîte, moi, à te montrer aussi, Dom. Donc, j'ai finalement reçu mon kit de Paddle Controller. Oui, monsieur. Et pour rester on-brand, PAL! Parce que je l'avais dit, il était pas disponible ce kit-là. Je le trouvais jamais sur Amazon. Ben, il a popé à comme un peu en bas. J'ai mis 110$ parce que c'était avec les taxes et le shipping. Parce qu'il y avait du shipping. Je pense que j'ai même pas mis qu'il y a un genre de 20-30$ de dédouanement en plus. Surprise comme à toutes les fois que UPS te livre de quoi chez vous. Là. Ah ouais. Hein? Donc ça vient avec deux paddles et quatre jeux. C'est une cassette avec des dip switch dessus. Oui, quand on regarde ici sur le côté. Là, on va l'ouvrir d'ailleurs. Là. J'ai joué à ben, hier. Je l'ai juste mis parce que je vais mettre la boîte. Donc, les jeux qui sont inclus... Je peux te l'ouvrir. Oui, ouais, qui sont inclus dedans. Breakout, Canyon Bomber, je vois plus le nom. Night Driver et Video Olympics. J'ai joué à Night Driver hier. C'est spécial. c'est assez hallucinant. Ça va très vite et c'est très difficile. Exact. Donc, dedans, on a la belle cassette. Donc, voici la petite cassette avec le petit étui. Et voilà, c'est magnifique. Ça. Les dip switch en arrière. Et les dip switch. Donc là, si tu veux changer de jeu, il faut que tu changes la combinaison des chiffres ici en arrière. Donc, tu peux voir, j'ai joué à Breakout hier soir. Là. Et puis, oui, à Breakout, as-tu tête seul dans la maison? Oui, oui, oui. oui. J'avais beaucoup de plaisir. Puis ça, là, c'est des paddles nœuds. Hein? Nœuds. Ça, c'est malade, ça. Amateur d'Atari, là, vous devez absolument avoir ça. Là. C'est magnifique. Il y a tellement de jeux Atari qui nécessitent les paddles. Ouais, t'as pas le choix d'en avoir. Ça débloque plein de jeux de librairie. Ouais, ben, exact. Puis des paddles usagés, ils sont tout le temps des effects. Ah, ceux-là sont ça, c'est neuf, ça sort de l'usine. Oh, ouais, c'est nouveau, là. Puis tu sens une résistance un petit peu plus comparé aux anciens. Fait que non. Hey, puis c'est pas cher, là. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, vraiment, là, pour vrai. Mm. Beau petit paquet, là. Si vous avez les moyens de débourser un 110$ pour ça, là. Ben oui, manger du ballonné. Faites des sandwichs au ballonné. Je pense qu'ils vendent les paddles aussi seuls, sans le kit, oui, avec les quatre cartouches. Moi, c'est celui que je voulais parce que je voulais avoir ces quatre-là. Absolument. Moi, j'ai acheté un kit de paddle seul et puis c'était vraiment pas cher. Ouais, ouais. C'était genre 40$. Ah, c'est ça, là. Pas pâle. Pas pâle. Mais moi, c'est parce que je voulais être pâle le plus possible chez moi. Exact. Très beau petit paquet. Ça s'ajoute à la collection de mon côté. Excellent. Voilà. Excellent. Ben écoute, on continue ça. On s'en va-tu en critique? On s'en ira en critique. On s'en va en critique. Bonne musique de Micro Machines. Alors, The Trial of Karzoid, K-H-A-R-Z-O-I-D, développé par l'excellent Pascal Bellil, publié par Broke Studio, qui sont les gens qui font les copies physiques de ça, je pense. Puis j'ai vu qu'il y a plein d'homebrew sur le site, là. Ouais. Qui sont... c'est ça. Il y en a plein. C'est fou. C'est fou, cet univers-là. Débile. Disponible sur NES et PC, bien sûr. Si à cause de la ROM. À cause de la ROM. Ou sur vos Analog Pocket, si vous avez la ROM et... Évidemment. Évidemment. Alors, il s'agit d'un Arkanoid Venia. C'est de même qu'on le vante, c'est de même qu'on l'affiche, c'est de même qu'il a été bâti. C'est, bon, Arkanoid, c'est même que c'est de même que ça joue. Il s'agit d'un casse-brick, un brick breaker. Ouais. Et puis, c'est Venia parce que tu fais chaque niveau un par un, puis tu vas en haut, à gauche, à droite. Tu te promènes dans un monde, en fait. Ouais, ben ça, c'est que tu te déplaces. C'est pas des tableaux fixes comme un vrai brick breaker statique, là, que t'as des contenus. Comme on voit, en fait, là, il ouvre des portes. Tu peux aller, comme tu dis, en haut, à droite, en bas, à gauche, là, puis te déplacer dans ce bel univers. Exact. Donc, il y a une histoire. Donc, Karzoid est un nécromancien, puis c'est un tabarnak. Ouais. Et puis, lui, il s'amuse à apprendre du monde, là, des prisonniers, puis à leur faire des trials, là, comment est-ce qu'on dit ça en français? Des épreuves. Des épreuves, exact. Où est-ce que tout le monde meurt tout le temps. Oui. L'épreuve est de, genre, tu deviens une tête... C'est comme une tête de squelette, là, dans le fond. Là, c'est... Exact. Ben, toi, t'es pas un prisonnier, mais là, tu dis, t'es un chevalier. Puis là, tu dis, moi, je vais le faire, le trial de cet écœurant-là, parce que je veux le péter. Faut que ça arrête. Là. Fait qu'il faut que ça arrête. Là, c'est pas le fun. Là. Personne n'aime ça. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt tout le temps. Alors, tu t'es une tête de squelette qui rebondit. C'est ça, la balle là-dedans. Puis là, on voit l'écran, là, les gens, voyez la multitude de niveaux. Et puis, chaque screen est comme un niveau d'Arkanoïde. Vous voyez là de même. Ouais. Puis un coup que vous terminez ce niveau-là, ben on vous dirige dans des directions. Et un coup que le niveau est terminé, il est terminé. Ouais, t'as pas à le refaire. Ça, c'est beaucoup apprécié. Fait que tu peux faire pause, puis après ça, choisir dans quel autre niveau tu vas dans les flèches, là. Exact. Dans une direction. Exact. Tu choisis, tu peux revenir au tout début, parce que t'auras pas le choix de le faire, hein, parce qu'il y a une histoire pour vrai. Puis dans les niveaux, il y a des fois, il y a des affaires cachées. Ouais, je sais pas si t'as fini le jeu avec tous les éléments, toi. Moi, j'ai pas tout trouvé. Je pense qu'il m'en manquait un. Là, il m'en manquait un ou deux là aussi. Ouais. Là, je n'ai trouvé une couple de pièces cachées, là, mais je pense que j'ai pas tout trouvé. Là. Fait que beau replay value pour ça, là. Totalement. Parce que oui, vu qu'on dit que c'est un Arkanoid Venia, il y a des power-ups. Il y a le colleux de balleux. Oui, le colleux de balleux est là. Oh my God, c'est une des premières affaires, là, le colleux de balleux. Puis habituellement, c'est too much. Ben, pour les gens qui ne savent pas, le colleux de balleux, c'est quand la balle elle revient sur ta barre et qu'elle reste collée. Là. Mais la particularité, c'est que tu peux choisir le power-up. En fait, tu peux en avoir deux en même temps. Fait que tu peux alterner dépendamment de ta stratégie ou du niveau. Puis fait que des fois, le colleux de balleux devient très utile. Là, quand c'est les blocs très très proches de toi, là, moi je suis comme, non, je prends même pas la chance que ça revole tout partout là, parce que t'as une vie aussi là, en haut. Là, on voit les petites boules rouges, là, c'est ton énergie. Exact. Et puis t'as un dash aussi, donc quand tu pèses sur le bouton, la balle elle pogne un petit dash, ouais, là, justement, puis elle devient invincible. Donc quand tu vois que tu vas aller dans un pic, ben là tu dashes, puis là t'es invincible, tu rebondis dans un pic, puis ça fait rien. Alors c'est. Puis t'as aussi des balles, tirer des balles. T'as un aimant qui attire la balle vers ton banc. Ah, ça, c'est, ça le donne en partant, puis c'est nécessaire. Oui, puis moi, c'est là que j'ai commencé à triper ce jeu, c'est quand j'ai commencé à maîtriser l'aimant, justement, oui. Parce que t'envoies ta balle en haut à droite, puis tu te mets en bas à gauche, puis tu peux la faire traverser de côté, puis c'est même faut que tu le joues, parce que t'as des tableaux qui sont un peu des labyrinthes de blocs à péter, là, puis oui. T'as pas de paddle dans le milieu pour y aller, là, fait qu'il faut que tu les envoies avec, justement, avec les outils. Là. Exact, c'est un recall de la balle, là, finalement. Okay, tu l'envoies, tu pèses piton, puis elle va revenir vers toi. Puis c'est exactement comme tu dis, il y a des niveaux où t'as pas le choix, sinon ça finirait pas. Puis ça a été brillant de la part de Pascal de penser à cette affaire-là, parce que s'il y a de quoi de poche dans un Brick Breaker, c'est de te rendre dans le raccoin du nien, puis jusqu'à ce que la balle finisse par aller là. Puis là-dedans, ben tu peux jouer des angles à contresens. Oui, parce que quand ta balle est sur ton paddle, comme on le voit là en ce moment, t'as comme un 180 qui se promène. Là, comme fait que tu peux choisir où est-ce que tu l'envoies. Puis tu peux changer tes power-ups in-game, c'est pas en début de tableau. Exact. Justement, quand t'es pris avec un bloc dans le coin, là, tu vas le pogner ton colleux de balleux, puis tu vas dire, ben là, m'a l'aligné pour le péter, là, parce que... Exact, exactement. Pris, voilà. Fait que ça devient de la gestion de bonne utilisation de ton équipage de skills, là, finalement. Et puis, tu peux gagner plus de life. Tu ramasses de l'argent aussi. Il y a des villages. Ouais. Il y a du monde à parler. Il y a des missions à faire, des gens à délivrer. Des choses à ramener. Comment? Il y a des choses à ramener aussi. Oui, exact. Même une place que là, tu pognes une graine, puis là, faut que tu trouves le trou de vase pour aller planter la graine. Mais là, il y a une plante qui t'avale tout le temps. Fait que là, faut que tu trouves la façon de péter cette plante. Je l'ai pas plante. Fait, ça. Tu l'as pas fait, moi, je l'ai fait. Je l'ai vu par après, je suis allé revoir des images en le faisant, puis j'ai vu que j'ai manqué ça. Ça, moi, je l'ai trouvé. Mais quelque chose que j'avais pas trouvé, par contre, c'était. C'est parce qu'il y a une fille quelque part dans un village que. Elle te demande de quoi, là? Ben non, mais à chaque fois que tu y parles, elle te donne des indices. Ouais. Mais des différents. Faut que tu ailles y parler souvent. Ah, okay. Fait que moi, il y a une place, faut que tu rentres en arrière d'une chute. Tu sais, je le savais pas. Ça, je l'ai trouvé, personne m'a dit cet indice-là. Moi, je l'ai trouvé par hasard, là. Ah, pas moi, non, justement. Puis si elle me l'avait dit, si j'avais catché, comme je l'aurais fait, mais j'avais pas catché. J'ai écrit à Pascal, puis il m'a dit, parle-y à la fille une couple de fois, puis elle donne différents indices. Okay, là, ça a débloqué, là, tu sais. Je dois avouer que j'ai dû aller sur Internet deux fois, pour la chute, puis pour un autre. Moi aussi, une fois ou deux, parce qu'en est, j'étais dans une forêt, puis comme j'ai... C'est comme un labyrinthe, une séquence. Oui. Puis je suis comme, il me semble que j'ai pas eu d'indice de cette séquence-là. Comment ça, je suis là? Ouais. Je vais voir, je suis bien trop loin, il faut que je revienne. Il y a de quoi j'ai oublié de faire. Là. Ben oui, puis finalement, la séquence, il y a un villageois qui te le dit. Oui, mais là, quand il me l'a dit, je vais dire, OK, c'est correct, là, ça, c'est ça. Là. Mais ça, je catchais, mais comment faire pour qu'il te le dise, par contre? Ça, j'avais eu de la misère à m'y rendre, là, finalement. Mais j'avoue avoir été déçu d'avoir consulté Internet ces deux fois-là. Je me disais, ah, Colin, j'étais si proche de l'avoir. Mais aussi, j'étais un petit peu tanné de chercher. Je voulais continuer à gagner. Ouais, ben ça, moi aussi, je voulais que ça avance. Là. Puis je me rends compte que je suis pas le gars le plus rogue, là, justement, de revenir là, ces affaires-là. Ben, j'oublie ce que je fais pendant que je joue, des fois. Puis c'est ça, l'univers est découpé en quelques mondes différents. Ouais. Il y a un château de la fin, il y a des catacombes, il est très cool, des forêts. De la fin. Oui. T'as des panneaux qui servent juste à faire les transitions entre deux sections, puis c'est genre ta balle, ta tête qui se promène, mais tu fais rien. Là, à part, je trouve ça le fun. Ça fait joli, en effet. Et puis, il y a des sections, comme on voit présentement, à trois paddles. Un quatre, en dessous des de l'autre, fois. Des fois quatre. Il y a deux verticaux, à la... horizontaux, là, ça casse la tête. Ah, et là, ça fuck la vie, là. Puis il y en a, mettons, c'est des paddles tous regroupés au centre, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est tout l'extérieur qui est en pic, fait que là, il faut que tu recalls sans arrêt, tu sais, comme un malade. Il y a quand même une belle variété d'ennemis, j'ai trouvé aussi, comme là, il y a une grosse abeille qui passe. Des fois, t'avais des gens de zombies qui se détruisent en plus petits zombies, puis si t'es pète pas, ils se reforment en gros zombies. Ouais, ouais, ouais. Puis ils te pognent ta balle, puis t'as relance. Exactement. Ça, c'est bien, tout ça, là. Oui, oui, oui, il y a plein d'ennemis. Puis bien sûr des power-up comme Arcanoid pour avoir plus de balles, mais il y en a beaucoup aussi qui font rapetisser ta barre, tu sais. Ouais, ben c'est les gens de chauve-souris là, que quand tu pognes ça puis tu les accroches, ils vont te faire réduire la barre, mais si t'es petit puis t'en repognes une autre, ils t'en regrandent. Exactement. Ils te ramènent grande. Fait qu'il y en a de ça aussi, mais il n'y en a pas beaucoup, par contre, là, des power-up qui drop des briques que tu casses. Là. Non, non, c'est non. Vraiment plus d'utiliser tes... Il y a des bulles, là, tu sais, vers le haut là, que tu as besoin, là, mais... Ouais. Fait que c'est ça, écoute, puis c'est ça, il y a de l'aventure, il y a de la vraie aventure pour vrai, là, faut que tu cherches. À la fin, Enfin, on va rien spoiler, là, mais disons qu'on ça se fait amener. Ça finit spécial, là, tu sais. Ouais, y a une... ouais. On a fait le saut les deux, là, disons. Le combat final, je m'attendais pas à ce que ça soit ça. Là. Exact, exact. Moi, un petit peu frustré à m'amener le combat final. Mais, ouais, mais, ben ça, oui. Pas si long non plus, là, j'ai catché assez rapidement, là. Ben, moi, il a fallu, ça, c'est une autre affaire, une troisième affaire que j'ai dû aller voir, la première forme du ouais, boss moi aussi. De fin. Je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas comment le hit. Mais là, quand j'ai vu pourquoi, je comprends que c'est quoi le pattern, là. Ben, j'ai même pas compris même pourquoi. Moi, je suis comme, OK, bon, c'est à ce moment-là. Ah, ben... Quoi, c'est parce qu'il ouvre son jacket? Non, ben, c'est parce qu'il spawn, genre, des zombies, puis il fait ça de même, puis t'as comme soit sa bague ou ça, t'as sa main comme exposée, tu peux le frapper dessus, là. OK, OK. C'était ça, là. OK, ben, c'est ça. Ça, c'était pas clair. Mais ça m'a aussi fait, je suis comme, ben, comment ça, je l'ai pas? Est-ce que je l'ai, puis c'est juste long, ou je l'ai pas? Je suis allé voir juste... Est-ce que je fais la bonne affaire? Puis là, finalement, c'est comme OK. Il y a une action qui me manque, là. Exact. Moi, avec. Mais c'est ça. Sinon, visuellement, j'ai trouvé ça un petit peu brun, par contre, je te dirais. Là, ouais. Au début, quand je commence, comme OK, tu sais, c'est du NES, là, bien ouais, sûr. Ouais. Là, mais je trouvais ça un petit peu brun. Puis la musique, je peux pas te dire... Ben, je la trouve un peu répétitive. Elle m'a pas emballé, là, mettons. Elle m'a pas dérangé, par contre, là, non musique, plus, là, non plus. Mais elle est pas, je l'ai pas trouvé vraiment spécial, là, si je peux dire. C'est pas ce qui fait que le jeu se démarque. C'est vraiment plus le gameplay, j'ai l'impression, là. Exact. Non, c'est parfaitement réfléchi pour un Brick Breaker. Puis c'est ça, on ne stanne pas, tu sais. Non, moi, j'avais peur, tu sais, comme il m'envoie des copies puis tout. Je suis comme, ouais, je l'avais essayé un peu ici pendant le tournage, mais tu sais, comme trois minutes, là, puis ça veut rien dire, là. Puis j'avais peur, tu sais, que ça soit moyen. Mais non, là, j'avais hâte de revenir chez nous après l'école pour, ben, c'est pour, pour ça, jouer, je, là. Je l'ai fait en trois jours, je pense, là. Ça a vraiment été rapide, ben. C'était un 3 heures passées, là. Ouais. Je dirais, puis c'est... Ouais, plus une couple d'heures, là. 3-4 heures, peut-être, là. Ah, absolument. Le full playthrough sur le net est 2 heures et demie, mais quand, je pense quand tu sais où tu t'en quand vas, tu sais là, quoi faire. Tout ça. Fait que c'est un 3-4 heures de fun. Exact. Mais au début, je trouvais que c'était lent au début, mais après ça, quand j'ai commencé, genre, quand j'ai pogné le power-up de l'aimant, là, ça s'est mis à débloquer, là, je suis wow. Exact. Ah, moi aussi. Là, pour vrai, un coup, puis ça n'a pas été long, là, un coup que j'étais dedans, je ne jouais que à ça. Ouais, moi aussi, je me suis dit, ça va être mon petit jeu sur le side pendant que je fais autre chose plus important. Puis c'est devenu mon projet important, là. Que... Moi, je l'ai parti parce que je me dis, je l'ai reçu, m'a acheté le rhum, m'a checké, puis j'en parlerai un peu avec toi, puis finalement, ça accroche. Finalement, au bout, tu l'as fait au complet. Hein. Je savais pas, en fait, t'avais pas dit que t'allais faire ça. Je dis, ben, au point, si Dom, c'est son affaire de collection, on m'a le critiqué, là. Fait, genre, ah ouais, j'avais pas dit que j'allais faire. Je crois qu'on n'avait pas parlé qu'est-ce qu'on allait faire, puis quand j'ai vu que t'as mis ça, je dis, oh, on en parlera les deux, c'est bon, là. Ah, ben, je pensais que j'avais mis dans le document. Mais oui, non, oui, tu l'as mis, mais j'ai commencé avant que tu le mettes, je pense. Ok, ok. Ça se peut. J'ai fait le document un peu tard. Ben, il prend le pétard. Fait que, écoute, voilà, je pense qu'on a pas mal tout dit. C'est une belle aventure, un beau jeu NES ça, québécois. Pognez-vous ça, absolument, pour 10$, sinon, là, pour la rhum, là, ça vaut la peine. Ben, si vous aimez le style, bien sûr. Ouais, là, si vous aimez pas ça, les colleux de balleux, faites pas ça. Mais je pense que ça demeure quand même accessible, là, vraiment. Alors, moi, pour toutes ces raisons, puis on ne s'est pas consulté, moi, je donnerais au moins un 4. Là. Ah, c'est ça que je m'en allais donner. C'est ça que tu avais en tête, un 4 pommes. C'est un très, très bon produit. Des bonnes grosses pommes, ouais, ouais, des ouais. Galas là, rondes, là, ouais. Sucrées. Là. Ceux qu'on aime. Là. Exact. J'aurais pris un peu moins de brun dans le visuel, musique un peu, tu sais, puis en tout cas, je restais pris, le boss de fin, c'est des détails, tu sais, ouais, mais ça mais, brise mais, rien. C'est une bonne longueur, je pense, c'est parfait. Oui, j'ai pas oui. J'ai pas le temps de me tanner, là. Où, Non, moi non plus. Puis tu sais quoi, ça aurait été un beau jeu de WEG à faire sur le side, là, tu sais, tu te mets deux, y a un tu fais mode chacun mais un y a niveau. Un mode à deux, il y a un mode battle ou quelque chose que j'ai... Ah oui? Ouais, ouais, ah, on pourrait l'essayer au WEG. Ah, ben on l'essaie. On l'a sur ma pocket, là. Mais un coup que tu le sais où aller, tu sais, c'est terminé, là, il y a pas de rejouabilité, vraiment. Ben, à part chercher les affaires, tu ben, sais à pas à part ça. Jouer, casser les briques, là, tu sais, si tu le recommences du début, c'est le fun. Ah, ben, si tu veux ça, là, faire... Ouais, ouais, en effet. Mais pour l'aventure, tu sais, un coup que tu le sais, là. Ouais, exact. C'est un très, très bon produit. Oui. Alors, c'est l'heure de la critique à Atari Vision. On s'en va dans le segment Atari Vision. Est-ce que c'est malade? Ce soir, on fait un doublé, encore une fois. Je pense qu'on va commencer par le tien. Oui, alors sens, un double hamburger. Oui, on y va sur un hamburger double. Un hamburger double ce soir, on fait Burger Time à l'Atari 2600. Grand classique. Oui, et on va faire aussi à l'Intellivision. Alors, Burger Time à l'Atari 2600, comme vous voyez ici, c'est un port quand même considéré réussi, et je suis d'accord, par rapport à la, tu sais, à l'ampleur du jeu. Ouais, je sais pas comment le dire, là. C'est bien sûr, là, c'est pas complet comme à l'arcade ou même à l'Intellivision. La première version, c'est quoi? C'est l'arcade, j'imagine? Oui. Et puis, mais ils en ont mis pas mal dans cassette quand même pour avoir le feeling Burger Time. Les bébites, ils suivent les patterns Burger Time. Il y a un peu de musique. Mais tu sais, c'est pas, la musique n'est pas en continu. Il y a la loupe, là. Puis là, d'un coup, c'est le silence. Et là, d'un coup, ça repart. Random. Un peu comme la fleur cancan. Tu sais jamais quand est-ce que la musique va repartir. Tu fais le saut. Exact, c'est vraiment fucké. Puis les ennemis, on voit la saucisse. Puis les autres affaires, c'est juste des, on dirait des carrés qui flip-flop, là, comme des portes qui ouvrent puis qui ferment. C'est des menus, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est carrément. C'est vraiment weird. C'est des rectangles. Tu sais, ça pourrait s'apparenter au Pickle. Tu sais, le Pickle, il flippe, là... Ouais, il fait un 360, mais mais là-dedans, c'est non, là, tu sais, ils font juste... c'est comme une porte qui ouvre puis qui ferme. On dirait qu'ils ont fait la saucisse, puis on se dit, comme, on a plus de place pour mettre rien. Fait qu'est-ce qu'on fait? On met des carrés avec des couleurs différentes. Merci, on ne va rien voir là-dessus. Absolument. C'est vrai de ça que c'est vraiment étrange, tu sais. Mais bon, les burgers, ils tombent et tout. Et puis, tu fais tomber les ennemis, tu les écrases à travers, en dessous des pains. Puis, tout ça fonctionne. T'as ton poivre, comme d'habitude. Et alors, moi, c'est spécial. Les éléments en haut sont pas de couleur. Quand t'es fait tomber, ils deviennent de couleur en bas. Exact. Puis, des fois, ils sont même pas comme alignés. Là, comme tu vois, à droite, ils se réalignent vers la gauche en tombant. Ben, c'est de l'économie. Ah ouais, tout à fait. Là. C'est, quand tu programmes un jeu Atari, il faut que tu économises partout. C'est vraiment ça, pareil. Et puis, il y a même des niveaux différents. On se serait peut-être attendu que ce soit tout le temps le même niveau, mais tout le temps de plus en plus rapide. Ouais. Mais non, il y a. Je me suis rendu au troisième niveau et ils étaient les trois différents. OK. Alors, là, il y en a certainement pas 15, là. Ça doit faire une loupe. Mais c'était réussi. Et puis, je sais pas pourquoi j'avais des problèmes là, avec le contrôle. Ouais, où est-ce que quand tu vas d'un côté, ça allait bien, puis là, tu revirais de bord, puis là, le bonhomme, il revire pas de bord. Il fallait que je gosse avec mon joystick. J'ai essayé tous mes joysticks. Puis, en tout cas, c'était pas fluide. Puis, des fois, dans les échelles aussi, t'es comme mal enligné. Puis là, t'es « Ah, merde, je suis pas tout à fait. » Il y a des dead zones là, d'alignement, là, je te dirais, qui fait que tu vas mourir des fois. Rien que parce que « Calisse ». Mais c'est ça. Somme toute, c'est un bon port. Puis je pense que c'est assez late release aussi. C'est fait par M-Network, donc par Intellivision, par Mattel Electronics. Voilà, très bon port. Et puis pas commun pour vrai. Puis d'après moi même, ça a une petite valeur ça sur l'Atari 2600. Ouais. Je vais regarder pendant que tu startes la version Intellivision. Ouais, ben ça, moi j'ai joué aussi. Je pense que tu l'as toi aussi. On a joué à l'Intellivision maintenant. Donc on est niveau graphisme un petit peu évolué par rapport à l'Atari 2100, évidemment. De beaucoup. Ouais, de beaucoup. Là, quand même, ça se rapproche pas mal de l'arcade. Ben, je sais pas, je me rappelle même plus que ça a l'air de l'arcade. Je check après. Là, mais... 30$ Burger Time à l'Atari. Mais ouais, l'arcade est plus colorée. Mais c'est comme une invention en elle-même, là, tu sais, la version Intellivision. Mais c'est très efficace. Très efficace. Là, on a la loupe de musique complète là, qui est entrecoupée de quand tu marches sur le burger, là, qui fait comme blou, blou, blou, puis que ça fait des. Des sons différents. Bon, évidemment, on ramasse des frites, d'autres qui nous donnent du poivre, là, qui permet de stunner les ennemis lorsqu'on est pris. Exact. Niveau très limité de poivre, à peu près 4 poivres qu'on a. Les ennemis sont tous très définis, là, une omelette, des saucisses. À un moment donné, comme tu dis tantôt, on avait le pickle qui arrive. Là, C'est ça, c'est l'œuf, dans le fond. Les carrés blancs à l'Atari, ça devait être l'œuf. C'est l'œuf écrasé. Il n'y a pas assez de budget pour mettre le jaune dans le milieu. Ou de faire un rond. Exact, là, c'est ça. Fait un carré. Mais très efficace, là. Encore une fois, la difficulté de ce jeu-là, comme tous les jeux de télévision, c'est la manette. Oui. Mais ça se met, c'est quand même pas si mal pour cela. C'est pas trop complexe, là. Pour le genre de jeu que c'est, je pense que ça, les quatre directions, puis le piton de fire sur le côté pour envoyer ton poivre. Exact. Envoie le poivre dans la direction dans laquelle tu marches. Donc, si tu descends, ben, envoie le poivre vers le bas. Exact. C'est une bonne leçon à retenir. C'est le même pour l'Atari aussi, d'ailleurs. Ah, exact. Hein. Puis si tu marches pas, il va tirer dans la dernière direction que t'es allé. Le poivre en bas à gauche, les petits chapeaux de chef cuisinier qui représentent Evie en bas à droite. Oui. Et des niveaux différents à chaque niveau que tu finis ça aussi. Qui ont l'air quand même de respecter l'arcade. Je serais curieux de voir le niveau 3. C'est ressemblant pour le niveau 2, en tout cas. Là. Je pense qu'à partir du niveau 4 ou 5, il y a les pickles qui embarquent. Là, ouais, ouais. Si je me suis rendu au level 9 hier. Ah ouais, donc, hein? Quand même. Une bonne run sur la télévision. J'étais bien, là. Je me suis assis, là. J'étais en robe de chambre, là. Je me suis canté les pattes, puis j'avais ça dans le divan, là. Puis je suis comme... Ça prend juste ça. La télévision, là, puis une petite robe de chambre. Là. Courte, là. Courte, là. En satin, comme Hugh Hefner. Non, elle est longue, le pigeon, comme en grosse serviette, là. Je suis bien, là. Des bocs de bière ramassées pour vous donner du poivre. Donc, c'est Burger Time ça, sur la télévision. Ben, écoute, deux bons ports, absolument, et totalement un must pour la télévision. Ah ouais, vraiment, là. Pas au niveau de la télévision Sprint, c'est pas déjà fait d'ailleurs, là. Vous allez tout avoir ces belles choses-là. Là. Absolument. Bon, ben, that's it, mon ami. Ben oui. On s'en va avec les questions. Questions? On clenche ça à soir. Je suis un petit peu fatigué aussi, mais ben j'essaie de pas me coucher tard. Sur cette belle musique douce de SimCity. Ah, cette toune. Représente ma jeunesse, ça aussi. Ça me fait planer, cette Savais-tu musique-là. Que dans SimCity ou Super NES, le truc, c'est de ne pas faire de route puis de faire juste des trains? Oui, juste des trains. J'ai appris ça. Oui, parce que celui qui a fait le jeu était très pro-environnement et tout ça, donc c'était comme un... C'est pour ça que quand tu fais des usines nucléaires, aussi, tout pète puis que ça va pas bien, là. Ah, ouais. Fait qu'il y a comme un message environnementaliste en arrière de ça, là, qui est caché, là. C'est très bien, là. C'est donc bien drôle, ouais. Ça. Je drop des petites affaires comme ça, des fois. Excellent. Voilà. Steph Talbot. On est sur Instagram. On commence par Instagram. Jim qui dit bonne idée de critiquer Atari et la télévision. C'était ça un peu le but au début là, du. Ben oui. C'est juste que quand on n'est pas aligné, on fait chacun un jeu, puis c'est correct. Puis c'est correct aussi. Ben oui. Jim qui sait apprécier les bonnes choses. Ouais. Alors, Steph Talbot qui est dans le chat. Selon vous, quel éditeur de jeux qui était solide dans les années 90 qui en ont perdu leur verve d'antan avec le temps? Et lesquels ont repris du poil la bête? Ben, Konami, là, qui font juste des slot machines, là, c'est sûr que ça a perdu du lustre. Exact. Capcom, je sais pas, hein, je joue plus à des jeux de Capcom. C'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, pour moi, c'est Capcom, NES, Super NES, puis Capcom aujourd'hui, je peux pas dire, là, c'est trop c'est d'autres des univers lointains. Ouais. Mais ça, c'est les deux auxquels on pense tout le temps, tout de suite en partant. Oui, là. Mais tu sais, je sais pas, man. Tu sais, FromSoft, ça n'existait pas. Ça a commencé à exister au PlayStation 1. Tu sais, je suis pas assez calé dans ces affaires-là. Rare, sont encore là? Ils appartiennent à Microsoft. Là, c'est pas mal étouffé. Là. Ça, bien sûr, c'est une tristesse. Mais qu'ils n'ont repris. Rare, ça a juste disparu aussi, là, pas mal, là, dans le paysage vidéoludique, alors que c'était tellement huge. Puis tu sais, dans l'époque, toute l'époque NES, Super NES, puis même ça s'est rendu au 64 parfois, puis un peu PlayStation. Je pense à des Sunsoft, Hudson Soft, Taito. C'est où Taito, man? Oui. Taito sont où, là? C'est des shmup. Il y avait du bon stock. Des shmup. Toutes les. Je me demande, c'est pas Taito là, qui a fait les shmups, c'est la collection là, qu'on avait. Ben, il y en a, là, mais. Mais la collection qu'on avait faite, c'était-tu eux autres? Psychio. Non, les quatre volumes que j'avais faits, là. Avec. T'oublies tout, la Jeff, démence. Le nom des joueurs. Je suis fatigué aujourd'hui, là. Moi aussi. Ouais, Capcom, je pense que ça va, là, encore aujourd'hui, en effet. Puis qu'est-ce qui était de la marde dans le temps, puis qu'aujourd'hui est tellement hot? Man, je sais pas. C'est des questions très difficiles. C'est difficile. On va essayer d'y repenser. Fréchette, Antonin, l'un des bros. Quelle est votre opinion sur la situation entourant Juste pour rire et le départ de Julien Lacroix du monde boy. De l'humour? On parle de ça? Ben, écoute, puis il continue. Personnellement, je trouve ça injuste que le public se permette de critiquer autant, alors que d'autres personnalités publiques comme White Bee et d'autres semblent être plus facilement pardonnés. Ben, c'est qui White Bee? Je sais pas, mais c'est même pas le public tant qui est critiqué, c'est les autres humoristes. Ah ouais, hein? Qui ont pas été contents. Ben, C'est un peu weird sa situation. J'ai la croix. Il a jamais été formellement accusé, genre au criminel, de quoi que ce soit. OK. Il y a des femmes qui se sont plaintes qu'il a eu des comportements inappropriés, des affaires comme ça. Là, Il taponnait, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a des affaires de viol, peut-être. On n'est pas sûr. Puis il y en a qui sont rétractés, il y en a d'autres que non, mais. Il est parti, puis il est revenu, puis là, ça va, le marché, ses affaires comme il faut. Puis là, juste pour rire, ils l'ont signé pour produire son prochain show. Là, tout le monde s'est mis à chialer dans la communauté artistique, là, la comédie, là, puis de l'humour. Puis là, c'est peut-être un mauvais choix de la part de juste pour rire, qui eux-mêmes sont pris dans des scandales sexuels tout le temps. Oui. Genre, à quoi vous pensez, asti, là? Il serait temps de redorer le blason, comme on dit. Il dit Whitebeat, un rappeur d'ici qui a fait 15 mois de prison. Ah, voilà. Mais après ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a fallu qu'il sorte parce qu'il était tanné de se faire chier dessus. C'est une campagne des questions de salissage là, en même temps. Là, Là, tout de suite après Juste pour rire, là, il était reparti. Puis moi, pendant deux jours, en déjeunant, j'ai vu genre « Tabarnak, ça n'a pas d'allure ». Puis là, aujourd'hui ou hier, là, il dit qu'il arrête. Ouais. Il est plus capable de pratiquer son métier, qu'il dit. Ben parce qu'il se fait trop ramasser par le public. Là. Mais là, c'est le tribunal populaire qui me gosse un peu là-dedans. Là. Ben, c'est toujours ça. Tu sais, il me semble que si tu veux être contre ce gars-là, va pas voir ses spectacles puis consomme pas son contenu. Là. C'est sûr. Mais tu sais... Pourquoi d'abord, genre, Joël Legendre qui se crosse dans un parc, lui, il revient puis c'est correct, puis genre... Ben attends, il se crosse tout seul dans le parc. Oui, c'est moins des agressions, là, puis je dis mais Éric Salvan, il n'est pas revenu, lui, encore. Par non, je ne pense pas qu'il va revenir, lui. Non, c'est ça. Écoute, je sais pas, tu sais, parce que c'est dur à quantifier le dommage. T'sais. Ben là, si les filles écoutaient, tu sais. Non, mais tous ces actes-là sont répréhensibles, genre, oui, là. Ouais. C'est tout à la ligne de genre, est-ce qu'on peut faire une dissociation entre l'artiste, son œuvre, puis la personne? En même temps, il a fait un travail sur lui, ce gars-là. Il disait qu'il avait un problème d'alcool, il arrêtait de boire, il était en thérapie, il est revenu. Il a l'air d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Là, il se fait canceller. Fait. Là, Fingercut, il dit que le fait que Juste pour rire se rétracte et le laisse tomber, c'en était trop. Mais c'est que ça a comme tout rebrassé ce qu'il avait descendu. Il pensait, lui-là, qu'il se réalignait, puis finalement, non. Puis Bernard Adamus aussi, what's up, man? Lui, il avait été cancellé maintenant. Il est encore très cancellé. Ben, what's up, est-il revenu? Ou il est... Non, c'est okay. Ça que je dis. Il y a du monde cancellé qui sont comme solidement cancellés. Il y a du monde qui a été cancellé qui sont décancellés. Sur pas des accusations, sur des rumeurs, sur tribunal populaire, encore une fois. Là, ouais, c'est ça. Logan Mayou, est-ce que Mais lui, il joue, tu sais. Il joue. Tout le monde oublie ça. Pourquoi lui? Il est à Saint-Louis, il a rendu sa première paire de défense. Tout le monde s'en calisse. Il a fait du travail sur lui, il est allé voir un psychologue. Il y a comme deux affaires. Genre, tu veux être un artiste, puis tu as fait des choses fine, le monde va plus t'écouter. Pourquoi Kanye West, il est encore là, puis il fait des calls de nazis, puis il dit comme. Il a trop d'argent, lui. C'est ça qui est weird, genre. Qu'il fasse ses affaires, mais par lui-même, puis laissez-le tranquille, puis genre, allez pas le voir si vous l'aimez pas, là. Quand t'as des accusations criminelles, après ça, c'est une autre affaire, là. En effet. Tu sais, je verrais pas Jean-François Harrison revenir faire de la télé, là. Ouais, là, c'est de la pédophilie. C'est autre chose, là. Mais j'ai pas d'opinion tranchée. C'est comme weird, là, tout ça, là. C'est qu'il faudrait. Si on avait des yeux, tu sais, si on avait des tapes. Pour voir précisément chacune des choses, j'ai comme l'impression que... Puis il y avait le tribunal mondial, le tribunal québécois. Tous les Québécois ont accès aux tapes. Là, tout le monde dit, voici les 10 affaires que Julien Lacroix a faites. On va toutes les regarder ensemble. Puis dites si oui, que vous avez deux pitons, oui ou non, ça mérite qu'on le cancel. Mais je pense que des fois, il y a du monde qui serait pas cancellé tant que ça, puis il y en a d'autres qui seraient cancellés en crise. Mais il y a aussi genre le travail soi-même, la deuxième chance, genre toutes ces affaires-là. Oui. C'est une situation très complexe. Ben, parce que là, c'est ça. Parce que lui, sa vie est fucking finie, là. Sa vie professionnelle. Il n'y a rien qu'à aller travailler au Costco. C'est Julien Lacroix. Il a une face connue maintenant. Il va travailler à l'usine, Sty. Il va peut-être être scripteur, Mais, tu sais, parce qu'il y a certains woke qui disent regarde, être une vedette, c'est un privilège. Oui. Si tu brises ton privilège, c'est de ta faute. Tandis que les autres, il y en a d'autres aussi, plus à droite, qui disent c'est ton travail. Puis tu sais, comme si tu on t'enlève ton travail, là, parce qu'on te juge, nous on te juge, le public, tu sais, whatever, puis on décide de ça, que toi, ta vie, c'est terminé, tu sais. Mais il y a plein de monde, mettons, là, tu sais, qui genre, deviennent populaires dans leur job, puis que party de Noël, font des gestes déplacés, se font mettre dehors, oups, puis se font réengager ailleurs, ce monde-là, puis ils continuent à faire leur job. Ouais, mais lui, il pourra pas. Je veux pas défendre du tout là, les gestes, parce que c'est ça, on dirait que ça va l'air de ça, puis c'est pas ça pour tout. Non, c'est ça. Mais en effet, je pense qu'il y a du pardon qui peut être donné, dépendamment de la gravité des gestes, là, aussi, tu sais. Puis, bon, tu sais... Je veux dire, ça faisait comme un an plus qu'il était revenu, puis qu'il faisait des vidéos sur le web, puis il a fait un show qui était sur YouTube, puis je l'écoutais, puis c'était bon, puis je... Mm-hmm. C'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'il est bon qu'il a le droit de taponner, le monde. Ben non, mais est-ce qu'il a continué à taponner? Je pense pas, là. Ben sûrement pas, là. Il y a une blonde et un enfant, là, depuis un bout, là. Ah ouais, il y a une blonde et un enfant? Oh, ouais, fait un bout, là. Okay. C'est ça, là. Je pensais qu'il était dans sa repentance, là, mais non. Ah. Ça a l'air que non. Il devra se repentir. Ben, il l'était, je connais, juste pour rire, le prennent et leur drop sous pression populaire. Là. Exact. Fait que pour recommencer sa double ben, repentance. Je peux le comprendre d'être brûlé, de repentir. Comme s'il a mis ça de côté, puis finalement, tu sais, je chassais ses démons, puis je dis ça sans être en connaissance de cause, là, mais puis ça revient encore à cause de juste pour comme, hey, là, mon c'est classé, là, c'est peut-être ouais. Ça son cheminement, là. Il y a le président, ben oui, le président des États-Unis qui fait des petits viols. Ah, c'est ça. Ah, l'injustice est partout, ça, c'est bien vrai. Ouais. Safia Ouellet qui demande candidement « Comment trouves-tu la fleur de Mario? » Ah! Ben, on l'a dit, je l'adore bien raide. Alors, elle a même un message pour toi. « J'adore la nuit. » La fleur adore la nuit. Je trouve ça creepy. C'est un peu creepy, ça. On va changer pour un autre message. Ouais. « J'aime bien les jours où il se passe rien. » Ça, c'est vrai. Des fois, une petite journée où est-ce qu'il se passe rien. Hein? Alors, alors, voilà. Merci, Safia. Rétro Sodomo, ça c'est de, ça c'est Ostigui. Ah, c'est pipi caca poil. C'est pipi caca poil, ça. Toujours, des noms délicats. Toujours vulgaire. Peux-tu nous parler de tes nouveaux locataires? Je comprends pas. J'ai pas de nouveaux locataires. Ah, Safia, c'est une Madame Fréchette. C'est Madame Fréchette. Je comprends. C'est une Madame Fréchette, donc doit être l'épouse d'un des deux frères Fréchette. Ah, c'est Madame Fréchette. Celle qui empêche l'achat du... non! Elle est rentrée dans le lore, ça y est, elle a un tag. Ah ouais, c'est ça, c'est un filtre là. C'est Cool Pook d'ailleurs, là. C'en est un des Fréchettes, là. Ah ouais, Cool Pook, c'est un Fréchette, ça, là, OK. Hein, fallait pas vous reconnaître. Ah, c'est mélangeant, tout ça. Tout ça avec la démence, là, en plus. Là. Avec la démence, en plus. Bon, ben, écoutons, merci, Safia, mais non merci, en même temps. 2-1 Montréal. Oh, 2-1 Montréal. Qui a scoré? On va le savoir tantôt. Ça va popper dans mon téléphone. Donc, j'ai pas de nouveau locataire, monsieur Rétro Sodomo. Moi non plus. Puis, tu sais, je peux pas vraiment. Je pourrais pas parler de mes locataires demain. Tu sais, comme... C'est bizarre. C'est à moi que tu veux dire si j'ai des souris. As-tu des nouveaux locataires? Mais on n'a pas de souris, on n'a pas de coquerelles, on n'a rien. Si la neige finit par fondre au complet, mes marmottes vont revenir. Là. Exact. Ben oui, les prochaines mortalités sont. Ben, marmottes domestiques. J'ai assez hâte de retourner chez vous, boire de la bière, me baigner. Toute ah, la ça journée, s'en vient, là. Ah, ça, j'ai hâte. On va faire ça plus qu'une fois. Alors, Patrick Doyon, est-ce que le projet que RetroMTL devienne un éditeur de jeux physiques est toujours dans les cartons, dans un scénario hypothétique que oui, quel serait un modèle d'affaires à suivre ou à éviter? Parmi les éditeurs actuels, LGR, ben Limited Run, Super Rare, Strictly Limited, etc., publierez-vous seulement des jeux à tendance rétro? Imprimeriez-vous des livres d'instructions pour chacun de vos jeux ou ce serait seulement des cassettes? Pousseriez-vous l'audace jusqu'à produire des éditions collector avec 10 000 cossins? C'est quelque chose que je voulais... c'est une branche hypothétique, ouais, ouais. Peut-être explorable un jour, mais là, on n'est pas là du tout. C'est juste comme... dans les airs. Serais-tu beau une cassette NES avec un logo RetroMTL? Hein? Wow. C'est ça. Je sais pas, man. Faudrait trouver les jeux, premièrement. Wow. Et puis, on est sûrement capable de faire produire ça au Québec ici. Mais quoi que, en Chine, tout ça est déjà fait très facilement. Wow, ouais. Mais pour faire des jeux modernes, mettons, des jeux Switch 2, comme Limited Run, ouais. Tu sais, c'est comme. Faut que t'en print en maudit, là. Tu sais, c'est une grosse machine. Fait que je sais pas. Je sais pas. Mais publier un jeu là, comme Trial of Cars. Ah, mais ça, j'adorerais ça. C'est des jeux NES de même. Je pense pas qu'on ferait beaucoup d'argent avec ça. Non, mais c'est pour le prestige. Là. Exact. Totalement. Puis on les vendrait ici, puis on aurait notre petit branding. Tu sais, comme qu'on a mis les boîtes toutes silver, ouais, là, ouais, avec ouais, les petites lignes. On aurait notre affaire. Bolduc qui a scoré. Bon, ça va faire du bien, ça. Excellent. Bon, et je trouve qu'il remonte. Là. Après, ça te fait refuser un but par le bon Patrick pendant qu'il fallait 7-3. Mais je trouve qu'il remonte, Bolduc. Ça fait du bien. Fait que qu'est-ce que j'éviterais? Ben, je peux pas dire, tu sais, les Limited Run sont où est-ce qu'ils sont, mais c'est plus ce que c'était. Ils ont décidé d'être d'autres choses, c'est big, c'est super gros. Moi, j'éviterais de faire l'erreur de genre, on sort 100 copies, puis genre, 2 mois après, on en sort 10 000. Fait que, non, c'est ça. Il n'y a plus rien à ça. Mais je ferais pas la folie non plus de dire c'est Limited, tu sais. Mais eux autres, ils ont pogné une niche dans le temps ouais, avec ouais, ça, puis c'est parfait, puis tant mieux. Puis je comprends toute l'histoire de Limited Run, puis pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait ça, puis bravo, grosse business, c'est bien beau. Mais c'est trop big. Strictly Limited, c'est des mange-mardes. C'est vraiment des mange-mardes. Ils prennent l'argent du monde puis ils font rien. Ils prennent 4 ans à faire les affaires puis ils relancent des affaires puis ils te reprennent de l'argent. Puis ça, là, à éviter Strictly ouais. Limited, là, c'est des vraiment... C'est terrible. Des bandits. Fait que, mais j'aimerais ça, mais on n'a pas de plan. Puis j'aimerais ça faire des cassettes. Ça serait quand même nice. Tom Fréchette. Que pensez-vous de la présence d'Olivier Primeau dans l'univers politique? Es-tu vraiment dans l'univers politique? Il est plus proche genre du hockey puis des poutines. Là. Ah non, il est très politique là, maintenant. Là. Très, très politique. Ouais, mais est-ce qu'il se présente? Il est juste... Ça s'en vient. Okay. Ça s'en vient. Puis ça va être pour les conservateurs qu'il l'a dit, il l'a dit clairement là, finalement. Fait que lui, il est conservateur. J'étais très déçu de ça, en fait. Ben oui. Parce que... Tu sais, il y a une affaire qui me gosse, moi, avec les conservateurs. Puis en passant, je suis d'accord avec plein d'affaires des conservateurs, tu sais. Mais ce que je trouve du discours conservateur, c'est que c'est facile de donner des grosses solutions simples, puis crier ça at large pour des problèmes complexes. On va ratisser l'État, ça. C'est des calls faciles, ça, que n'importe qui... Je veux dire, ouais, je suis d'accord avec ça. T'sais, on est tous d'accord avec ça, mais Chris, c'est pas possible. T'sais, ça va être plus compliqué que ça. Ça, c'est une affaire qui me dérange. Puis, par rapport à la souveraineté, les conservateurs, eux autres, c'est comme, regarde, on n'est pas capable de gérer ici. Un jour où est-ce que le gouvernement va nous démontrer qu'on est capable de faire de quoi? Peut-être, mais là, il n'y en est pas question. T'sais. Au lieu de faire de partie de la solution, les conservateurs s'assient sur leur cul et ils chiolent puis attendent que les autres le fassent. Puis là, peut-être que si un jour le Parti québécois a réussi la souveraineté puis de faire un pays, là, bien sûr, ça va être un petit peu bumpy au début. Là, on va être fresh, là, on sort de la maison, on n'a jamais vécu tout seul en appart. Puis là, les conservateurs vont dire « Ah, c'est de la merde, on vous l'avait dit. » Puis là, après 10 ans, on va être comme « Wow, on est donc bien heureux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? » Puis là, ils vont peut-être embarquer. Puis là, ils vont dire « Ouais, OK. » Ou peut-être même pas. Tu sais, tu comprends? Moi, c'est ça qui me dérange. Ils font pas partie de la solution. C'est des chialeux qui règlent rien. Puis qui n'ont pas d'idée. T'sais. Ils font juste crier des affaires simples. Alors, ça me dérange. Mais je suis d'accord avec plein d'affaires simples. Moi aussi, je veux ratisser la taille de l'État. Ben oui. Tu sais, il y a plein d'affaires que je suis très à droite. Tu sais, puis... les choses qui vont au mérite, tu sais, puis tout ça. Puis là, je dis pas, faut pas, tu sais, ça prend un filet social. Ben oui, en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Là? Qu'est-ce qu'on passe d'Olivier Primeau dans la sphère politique? Fait que Primeau, il s'en va vers là, puis je suis déçu. Je pensais qu'il était, il était capable de plus profond, d'avoir des... Puis moi, je le suis sur Meta. À chaque jour, je vois ses assises d'affaires passer. Puis il met tout le temps une capture écran d'une affaire. Puis là, il dit, ah, c'est ça. Il fait exactement ça. Il chiale. Et là, cette année, il l'a dit à la fin de l'année, il a dit, à la prochaine année, en 2026, je vais arrêter de juste chialer. Je vais aussi proposer une solution dans ses publications. Il le fait, là, mais... tu sais, fait que, en tout cas... Moi, je fais juste ces vidéos de Poutine. C'est la seule fois que je vois passer. Là. Ah, ben écoute. Ça, puis il suit des patinoires, là, puis il prépare des games de hockey. Ah, il fait bien des affaires. Bien des affaires. Le Beach Club! En tout cas, man. Je te jure. Je voterai pas pour lui. Ben, tu vois, moi, je me suis demandé. C'est intéressant. Où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Puis finalement, on dirait que là, il part à la dérive d'un côté que je suis comme, ah ouais, j'aime pas trop sa vibe, là. J'aime de moins en moins sa vibe. Puis je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, puis je suis pas mal certain. Si vous connaissez Éric Gravel, qui est très vocal sur TikTok et qui est un entrepreneur, qui a eu des business, puis a vendu sa business pour 28 millions il y a une couple d'années, tu sais. Puis là, il part d'autres business, puis tout ça. Le gars est très, très, très conservateur, tu sais. Mais le gars, il est très il a aucune scolarité. Et puis, il a fait son secondaire, whatever. Puis, il est allé pompier. Puis là, ben, vu qu'il avait bien du temps, vu qu'il était pompier, il a parti des business sur le site. Et puis, tu sais, il a grindé sa vie. Tu sais, mais le gars, Chris, il a un esti de bon esprit d'affaires. Tu sais, ça, c'est indéniable. Mais par contre, tu sais, il tape sur l'école. Ils disent l'école, c'est de la merde, tu sais. Parce que t'as pas besoin de l'école pour réussir dans la vie. C'est pas vrai, là. Ben, parce qu'eux autres, ils mesurent la réussite en dollars, tu sais. Ouais, oui, là. Mais c'est pas. Si on est une société non scolarisée. Tu peux pas avoir une société pas éduquée, là. Ben non, c'est ça. Ça serait le downfall de la société, là. C'est un problème en ce moment, l'éducation. Les écoles sont en ruine, c'est n'importe quoi, là. Oui. Puis, tu sais, l'école, ça t'apprend à vivre socialement avec d'autres personnes, à bouncer des idées, à accepter la différence et à t'ouvrir les horizons. C'est pas juste d'apprendre tes cours puis faire du par cœur puis pour te trouver une job, là. C'est de côtoyer du monde. C'est de vivre. C'est un microcosme là, que tu vis dedans. Tu vis dans une mini-société à l'école, là. Exact. Pour te préparer à la plus grande société après ça, là. C'est totalement ça, tu sais. Puis moi, je suis parti de la Beauce, puis j'ai fait l'université à Montréal, puis whatever, les études. J'aurais pu étudier en théologie, man, mais j'aurais été avec du monde. C'est important de s'instruire. C'est important d'avoir des cours de philo pour apprendre à penser aussi comme du monde. Oui. Tout ça est très important. Tout ça est très important. Boss des affaires, ou génie ou pas. Luc Poirier, je sais pas s'il est scolarisé ce là, j'imagine que non. Puis Chris, il fait des milliards. L'éducation n'est plus valorisée. C'est sûr, si moi je me lève le matin, là, puis j'ai des gens du monde qui vendent des photos de pieds pour 25 millions par mois, tabarnak sur le net. Exact. C'est dans quel esti de monde qu'on vit, genre, c'est quand même ça. Mais, puis je blâme pas la fille qui vend ses photos de pieds. Il y a du monde qui paye pour ça. C'est ça le problème, là. Exact. Je t'avais de partir un Instagram, un OnlyFans de pieds, là, montrer mes orteils, là. Mais moi, ce qui me dérange de ça, c'est que c'est un genre de gars-là, tu sais, qui est brillant, comme je le répète, il rabaisse l'éducation. Nice. Puis il voit, lui, il était dans le bandwagon de genre, quand Engine de poitrine a popé, il était le premier à dire qu'on devrait avoir honte comme Québécois, tu sais, d'avoir. Hey man, ça. T'as rien compris de l'or. Le monde. Mais c'est pas juste de l'or, tu sais, c'est comme. Chris, ils sont les premiers à chialer qu'on met l'argent. Pour les artistes pis qui s'amènent nulle part pis qu'on, comme les Abatiello, on brûle tout notre argent sur des artistes. C'est un groupe qui pop mondial direct, genre du Saguenay. Exact. Pis là, c'est de la merde. C'est de la crise de merde. Ils chialent qu'on donne tout l'argent aux artistes pis qu'il se passe rien pis que ça vaut rien pis ça ramène pas de valeur au pays. Pis là, quand il y en a un qui pop, là, soudainement, c'est de la merde parce qu'on comprend pas trop le concept pis c'est bizarre. C'est bizarre, il y a deux guitares, il y a une guitare double. C'est bizarre. Hey, ça m'a tellement comme quand j'ai vu les réactions négatives par rapport à Engine de poitrine, j'en revenais pas là. Quelle bande de gnochons, esti. Ça se déguise, Chris. Vous connaissez pas ça, Slipknot, puis Daft Punk, tabarnak, puis genre les Rolling Stones, puis tout le monde s'habille. En tout cas. Puis tu sais, l'entrevue à Tout le monde en parle, et là il faisait des sons, mais c'était traduit en bas. Puis le drummer. Tu sais, lui, il disait, Guilla, il a demandé, tu sais, pourquoi tu mets un costume? Tu sais, pourquoi tu vous déguisez? Juste pour vous cacher d'être connu puis de la notoriété. Puis lui, il dit, tu sais, sur ma planète, il n'y a pas de déguisement. Hein? On est toutes des vedettes égales. Fait que quand on va à l'épicerie, ça prend un bon 7 heures parce qu'à chaque fois qu'on te croise quelqu'un, on signe des autographes et puis on se prend en photo puis on se hug. Et puis c'est très, très long. Et puis c'est égal de même pour tout le monde. Le gars, il a un message. Où est-ce que tout le monde, on devrait être égaux? C'est pas garrocher leur affaire, c'est très réfléchi. Là. Oui, c'est ça. Mais il y a des foleries là-dedans. Mais oui, mais c'est des foleries réfléchies quand même. Exact. Là. Hey, le contraste des poids là, noirs, tout ça là, est pensé. Là. Exact. C'est pas n'importe quoi. Là. Mm. Mais c'est ça, man. Il y avait comme ils font de la bonne musique en plus. En plus, moi j'aime bien ça. Puis il y avait un message là, puis tout le monde a juste entendu. au lieu d'entendre genre que le gars, que l'artiste dit on devrait tous être égaux, puis il s'en va chanter, aller chanter ça le monde entier en tout cas. Ben pas chanter mais jouer, mais bref. Le monde voit rien, puis comme Galgator, il dit petit peuple, puis des fois, man, ça me décrisse de voir ça. Fait qu'il faut que j'arrête. Mais ça, justement, il faut que j'arrête moi aussi, parce que je me mets à lire, je m'en vais chercher ces commentaires-là. Moi aussi. Pour me pomper de quoi. Oui, je me pompe seul. Câble. Pourquoi je suis en train de faire ça? Je suis pompé alors que à place, j'arrête mon téléphone et j'écoute leur musique. C'est... Exactement. C'est puis ça. Je pars ma plante. On fait quoi demain? Bon, on écoute Angine de poitrine. Demain, on écoute Angine de poitrine. Jean-François Turgeon. Jean-François. Jean-François. Vous parlez souvent des pierres à feu, mais vous pensez quoi des films? J'ai juste vu le premier. Moi aussi, il me semble que j'ai juste vu le premier. J'ai-tu vu le deuxième? Avec Baldwin, j'ai pas vu le deuxième. Le deuxième qui s'en va à Vegas. Ouais, je pense que je l'ai pas vu. Je l'aurais dû le payer, là. C'est mon intérêt, mais... Hey, je pense que je l'ai vu, finalement. Oh, mais... Baldwin, y'a-tu dans le premier? Ah, non, j'ai non, juste non, vu le premier. Premier, c'est Goodman puis Rick Moranis. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier, là. J'ai pas de problème avec ce film-là. Moi, j'avais pas aimé ça. Non. Pour être franc. T'es trop vieux ou ça? Quand... Non, ben, je l'ai vu à sa sortie, là. J'ai 46 ans, je me rappelle plus. Donc, j'avais quel âge? Mais, tu sais, j'aimais, là, les. Bien sûr, quand ils refont l'intro, puis les dinosaures, puis tout ça. Le lave-vaisselle, ouais, le lave-vaisselle, ouais, tout ça. Mais j'avais pas été Monsieur emporté Miroc. Par l'histoire, puis je trouvais ça un peu papier mâché. Ah, moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais? Bon, ben, écoute, paf, c'est correct. J'ai des beaux souvenirs de ce film-là. Bon, ben, parfait. Les jeux, c'est de la merde, par contre. Les jeux du film, ouais, c'est ouais, de la merde. Oui. Rick Moranis, c'est une légende. Ben oui. John Goodman aussi. Là. Absolument, absolument. Maxime Goulet-Asselin, avez-vous eu le temps d'essayer Crimson Desert? Moi non plus. C'est une nouveauté, ça, de la semaine dernière. Et puis, tu peux le mettre à l'écran, ouais, si tu veux. Et puis, c'est comme un... C'est sorti de nulle part. Puis, ça semble avoir une popularité grimpante. Et les gens disaient que c'était très difficile, la misère à faire le premier niveau. Ah, puis ouais. Là, finalement, ben niveau, c'est... Ça ressemble à être un Elden Ring. Là. Ouais, genre d'affaire. Et là. Puis, ça monte. On a recommandé ici chez Retro MTL. On avait pris juste un petit 10, là, on savait pas trop. Puis finalement, on a recommandé un autre 10. Mais là, c'était pénurie. Plus capable d'avoir de ça, plus capable d'avoir de Pocopia, puis plus capable d'avoir du tout de Resident Evil. Je sais pas ce qui se passe, ce style par tes usines. Mais on n'a pas joué, mais ça semble plaire aux amateurs du style. Là. Donc, checkez ça. Restock aujourd'hui chez Retro MT. Achetez-là, maintenant. Achetez-là, maintenant. C'est chaud. Ah oui, avec le nouveau Mario Wonder. Oui, puis un Panic Restaurant pour les... Pendant que madame a si, des si madame Fréchette ne nous bloque pas. Simon Lahaye, en politique, admettons que vous votiez pour un député et qu'il change de parti, est-ce que ça vous fâcherait? Chose qu'on vient de vivre présentement, une Québec solidaire est partie au Parti conservateur. Puis là, tu vois, c'est comme... c'est changé... C'est viré de capot de bord en esti, ça, quand même. Je vote rarement la personne et plus le parti, là, moi, normalement. Moi, je vote toujours pour un parti. Je me rappelle pas d'avoir voté pour quelqu'un directement parce que c'était une personne que je voulais voter pour. Là. Exact. Mais là, c'est ça. Puis je me suis pas renseigné, en fait, parce que j'ai jamais vécu. Ben, en fait... ouais, non, je l'ai jamais vécu. L'orgueil, je vote pour l'équipe à Catherine Fournier, mettons. Là, ouais, mais ben c'est ça. Plus loin que je me... Mais mettons, moi, je vote pour le PQ dans Rosemont. Puis là, c'est lui qui gagne, puis il sac son camp. Il devient un conservateur. C'est-tu le PQ qui a mon comté? Là? Il part pas avec mon comté. Non, là. Non, ton comté reste PQ. Il reste PQ, ouais, c'est ça. OK. Ça serait même trop cave, ça. C'est ça, là, ça serait bizarre. T'en vois plein de monde qui sont c'est des faux, genre. Ah, ouais, c'est ça. Faux péquistes. Mais moi, je vote jamais pour un candidat. Non plus. Jamais. Fait que ça règle le problème. Fingercut, il dit concernant Crimson Desert que c'est le plus gros open world jamais créé. Un mix de Breath of the Wild et de Red Dead Redemption. Ah. Alors, voilà. Donc, mais ça se passe à Chevalier épée. Là. Sûrement que vous pouvez perdre 100 heures là-dedans, j'imagine. Ah, ça, c'est sûr. Matt Deschamps, top 3 des microbrasseries de Montréal. Eh hey boy. Messorem, Melon... Mutoïd. Il faut que ça commence par elle. Ouais, ça marche pas. Mais, man, il y en a des millions. Plein, là. Plein. Mais ça, c'est mes, mettons, ça serait mes préférés. L'espace public aussi. Mais pour être, puis j'adore les gens de l'espace public. On a fait des collabos avec eux et tout. Mais leur bière sûre, tout ça, tu sais, c'est pas un style que j'apprécie. J'aime ça l'été, là, une bière sûre, pas trois, là, mais. Exact. Bière sûre. Ça marche bien pour eux autres. Là, mais des micros, il y en a ici à Montréal. Puis Mutoïd, ben c'est vraiment minuscule, mais j'aime les gars, puis j'aime la vibe metal, c'est juste ici à côté. Juste avant, il y a le Pale Mile. T'as-tu vu? Hein? Il y avait une... La première fois que je vois ça, je suis passé, puis il y avait une porte, puis il y avait un enseigne au néon, c'est écrit le Pale Mile. Ah. Paul Meyer, là, comme quand il parle dans Slapshot. Là. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, le Paul Meyer. Chum. J'ai pas vu ça. C'est la première fois que je le vois. Là. Fait que sur Hochelag, il y a une place qui s'appelle le Paul Meyer. Ouais, il faudrait que tu me montres ça. Faut y aller. Mais j'en avais parlé ici que c'était le Paul Meyer. Je l'ai vu, puis je suis comme. Ça s'appelle le Paul Meyer ici. Ouais. Pas Pile Mail. Mais non, le Paul Meyer. Paul Meyer. Ah ouais. Hein. Fait que je prends une photo si je passe devant tantôt. Il va falloir y aller, certain. Après un show, là. Ouais. Jim Gendron, vos plus grands rêves non réalisés et merci pour cet excellent show. Avoir un show de télé avec Rétro Nouveau, là. Ah ouais, ça aurait été. C'est le plus grand rêve. Ben moi, c'était de travailler en télé, mon rêve, là, et j'ai jamais réalisé cela. Pas loin avec les podcasts quand même. Là. Ouais, ben loin un peu quand même. Mais la télé est plus ce que c'était non plus. Là, fait, ouais. On faisait v'là 15 ans ce qui se fait présentement, genre sur le web. Là, ouais, exact. Mais de la télévision, bonne vieille. Ben là, ça serait de faire des séries, là, j'imagine. Ouais. Des plateaux, des affaires comme ça. Ouais. Moi, j'aurais voulu être humoriste. Ah ouais? Ouais, j'aurais aimé ça. Humoriste ou comédien, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu puis dû faire, en fait. Mais je viens, je viens de la Beauce. Personne m'a vraiment enligné là-dedans. J'ai pas manifesté ça non plus. Ça serait peut-être venu plus naturellement si je l'avais pu le tester. Mais comme je dis, on était à la polyvalente Bayou de Saint-Joseph-de-Beauce. Fait qu'on teste pas grand-chose là. Ouais. Mais ouais, c'est, j'aurais voulu être ça. Mr. Rat Super qui vient de terminer le premier niveau que Pac-Man sur Atari, puis il dit qu'il a mal à la tête. En effet, c'est très dur de jouer à Pac-Man sur Atari 2600. C'est pas le fun partout. J'espère que c'est grâce à nous ça, que le monde joue à Pac-Man sur Atari 2600. C'est sûr. On répand le bonheur. Eh oui. Jesse Miron, quel va être le poisson d'avril chez Retro MTL cette année? Hey man, j'y ai. Des Joy-Con de Nintendo. Ça a tellement le soulevé. Puis mon post du jeu Super NES dans la gêne de poitrine aussi a levé en tabarnak. Ouais. Mais j'ai eu ce matin un méchant bon flash. Je pense que j'ai de quoi être très bon. Là. Alors surveillez ça sur page Facebook et Instagram de Retro MTL le 1er avril. C'est bientôt, c'est vrai. C'est mercredi prochain. Là, aujourd'hui, j'ai été sur Photoshop toute l'après-midi. Mais j'ai eu une très, très belle idée. Serge Saint-Hilaire, il envoie une photo qui montre à Saint-Joseph-de-Beauce le croche à bourret. Parce que oui, il y a une section de Saint-Joseph qui s'appelle le croche à bourret. Et puis, mais je sais pas en quoi ça. C'est comme si tu as un bout de l'eau ou si tu as un bout de rue. Je sais pas exactement en quoi ça consiste. Puis je me suis jamais renseigné parce que je n'ai jamais tant entendu parler. Mais faudra que je voie ça. Parce qu'il y a une coupe de bourret quand même à Saint-Joseph. C'est dans Mauricie, là. C'est. Tu vois, oups, ça, c'est des fleurs par contre, là. Le croche à bourret Saint-Joseph-de-Beauce. Là. MapQuest. MapQuest existe encore. Ben excellent. Ben oui, sûrement pour Saint-Joseph. Zoom in. Oups. Donc, c'est juste un petit bout de rue. Hein, tu peux-tu faire un street view? Faudrait que j'aille sur Google Maps. Ah ouais. Hein? Pendant que tu fais ça, on continue avec la prochaine question. Mais trouve-nous ça, je veux voir. Dave Vallée, quand vous louiez des jeux, est-ce que c'était des jetons collés au velcro ou... Ah, attends, là, le croche à bourret, là... On s'en va en street view, là. Moi, je te drop là, ici. Là. Ah, mais là, tu peux pas. Ah non, c'est l'autre bout. Ah oui, c'est ça. Non, c'est le petit... Ouais, le petit pénis, là. Ah, ouais. Ça va être ça ici. C'est un parking. Ouais, mais c'est en arrière de ça. Ouais, c'est comme un petit bout de rue inutile, là. Ah non, OK, c'est de ce côté-là. On voit l'église qu'il y a là. Je serai là demain, d'ailleurs, guys. Et, ouais, le bord, la tour, ça s'en vient. Mais je vais me renseigner. Ça serait ici, selon le point. Le point est là, là, ici. Ouais. C'est ça, là. C'est ça. C'est ton héritage, Adam. Ben, Chris. Personne ne me l'a dit. Tout le monde, ben, je vais mettre une taxe quand vous passez là. Alors, Dave Vallée, quand vous louiez des jeux, est-ce que c'était des jetons Velcro sur les boîtes? Aussi, faisiez-vous un sneak peek au travers des portes Western de la section 18 ans et plus? Moi, c'était exactement ça. C'est des petits arrestables, des petits octogones en plastique. Ouais, là, j'ai eu les deux, moi. Hein? J'avais trois vidéos proches. Fait, il y en avait qui avaient des Velcro, puis il y en avait qui c'était la boîte que t'amenais, là. Ah oui, oui. La boîte vide, là. Oui. Mais non, moi, c'était Velcro all the way. Puis pour checker les affaires de porn, je n'osais pas le faire parce que Saint-Joseph, tu sais, tout le monde te connaît et tout ça. Mais j'ai travaillé en 2000, En 2000, j'ai travaillé de nuit dans un club vidéo de Longueuil. Ah ouais. Et puis, je devais passer à MOP, là, bien sûr, dans, dans la section. Alors, j'ai pu renouer avec tout ça. C'était un de mes rêves quand j'étais jeune, travailler dans un club vidéo, puis ça, ils m'ont pas retenu. On parlait de rêve tantôt, mais pas un grand rêve. Là. Ouais, c'est ça. Là. Hein? SSS Frank dit « Parlant de Saint-Joseph, pensez-vous que sans les religions, l'humanité aurait évolué dans un monde où l'humanité s'entretuerait sans cesse? » C'est drôle parce que je trouve que les religions ont plutôt fait ça. Ouais, mais en même temps, ils t'ont donné un sens de moralité quelconque, là, genre de pas tuer ton prochain, là, notamment. Là. Ben, tu sais, moi, mettons, je suis pas religieux, alors pis j'ai pas plus envie de tuer les gens. Non, moi non plus. Mais il y a des lois, tu sais, comme... Oh, s'il y avait pas de loi, je tuerais-tu le monde? C'est parce que là, on est rendu dans une société qui a évolué, puis la science, puis l'éducation, puis tout ça, là, mais dans le temps, c'était moins ça, là. Ben, c'est parce que le monde, ils ont inventé la religion pour avoir des explications, au départ. Ouais, genre, oui. C'est quoi le ciel? C'est quoi les étoiles? C'est clairement, il y a quelqu'un... Il y a une grande chose, c'est une invention. Ah, exact, là. Et puis là, après ça, moi, je pense que s'il y a du monde encore accroché à la religion aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur que ça ferme la lumière. Merci, bonjour. Ouais, faut qu'il se passe quelque chose après, sinon je suis pas capable de tolérer la vie. La lumière va fermer quand même. Là. Ben, moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis aussi, alors c'est ça. Mais je serais très curieux de voir un monde sans religion aujourd'hui. Mais tu dis que t'étais athée, t'es-tu athée parce que tu l'es devenu puis t'étais chrétien quand t'étais jeune, toi, ou comme moi, mettons, là, que genre on était forcé à faire ça. Puis que, ouais, j'ai été forcé. Là. Moi, baptisé, prendre la communion. J'ai tous mes sacrements. Moi aussi, là, j'ai tout ça. Là. Puis j'ai eu des cours de catéchèse. Moi, full set de catéchèse et prendre la communion. Là. Ah, moi aussi. Mais j'ai jamais cru en. Ben non, c'est pas vrai, j'ai cru. Puis à un moment donné, j'ai décroché. J'ai décroché genre à 15 ans, whatever. Je suis comme là, pas sûr, whatever. Ça me semble que j'étais très jeune, on allait à l'église, là, mais genre des souvenirs vagues de ça, mais à un moment donné, ça a juste arrêté. Puis... On y allait pas à l'église, l'autre, juste à Noël. Ouais, puis là, je veux ces histoires-là ne font aucun sens. Exact. Sacrement du pardon. Ouais, on va se fier sur la Bible, un livre qui est écrit il y a 2000 ans par du monde qui n'avait pas l'électricité. Ah, écoute, la religion, moi, c'est. Juste des problèmes. C'est juste des problèmes là, avec ça. En même temps, ça fait qu'il y a du monde qui ne devient pas fou et qui se rattache à quelque chose. Là, ben, ça. C'est ça. Je me dis, il y a du monde qui sont pas capables d'avoir une vie. C'est quand c'est les bons côtés. Fait que là, ils s'accrochent à ça puis c'est un meaning de leur vie. Fait que, OK. Si j'avais une religion choisie... Ça pourrait choisir, être aussi le tricot, par contre, ou les arbres et les oiseaux. Mais si j'avais une spirituelle, j'irais vers le bouddhisme, peut-être, dans ces religions-là. Là. Ouais, moi, c'est où le combat ultime. Ou la prochaine religion de Chuck Norris, là, maintenant, c'est rendu un saint, j'imagine. Là. C'est vrai. Il n'est pas mort, en fait. Il a juste complété sa mission, puis il est parti. Alors, on a une question ici que je peux pas dire c'est qui la personne, parce que c'est des gens d'écriture japonaise. Mais je soupçonne d'être français parce qu'ils utilisent un mot... Oui, c'est souvent la plus grande escroquerie d'histoire. Oui, exact. Il utilise un mot que ça sonne français. Pensez-vous que les jeux physiques de l'ère PS4, Xbox One auront de valeur dans l'avenir, sachant que la plupart des jeux ne fonctionnaient pas sans une mise à jour Day One? Si un jour Sony ferme le support de téléchargement de la PS4, est-ce que tous les jeux physiques ne deviendraient pas complètement hors d'usage? Un ami français qui apprécie le spectacle... Ah ben voilà. Bon. Le nom en japonais veut dire Monsieur Manteau. Ah, c'est beau ça. Ben hey, merci. Puis le fait qu'il mentionne... Spectacle, ça veut dire qu'il suit depuis un bout. Probablement. Là. Alors, moi, je me questionne là-dessus. Ici, en magasin, les jeux d'Xbox One, on en vend très, très, très, très peu. Là. Ah PS4, ouais? On en vend beaucoup. Mais fait que je pense que le monde ne se stresse pas avec ça. Qu'est-ce qui va... J'en ai aucune idée. Mais tu sais, beaucoup de jeux qui partent pas tant que t'es pas mis à jour. Si t'es pas connecté sur le net, je pense qu'il ne détectera pas qu'il te manque de quoi. Là. Tu veux dire... Genre, les jeux sont pas incomplets jouables, me semble, ou... Ouais. T'as des grosses patchs mises à jour quand les jeux sortent, mais je pense que tu pourrais jouer sans. Mettons que tu t'achètes Days Gone là, au PS4 demain matin là, au Pawn Shop. Là. Puis que ton PS4 n'est pas plugué sur le net, tu vas te laisser jouer, j'imagine que c'est oui. C'est ça, j'imagine que oui, un certain bout. Je sais pas, hein, pour être franc, Monsieur Manteau. Faudrait investiguer. Je sais pas. Mais on a une réponse de notre ami Éric Hébert en dessous bon. Qui dit « Hey, j'ai vu ta réplique et je connais bien le sujet, donc je voulais intervenir et faire une première réponse puisque c'est qu'un sujet que j'aime. » Collectionner les jeux Xbox 360, PS3, Xbox One et PS4. Pour moi, c'est pas mal la dernière frontière des jeux physiques qui peuvent juste booter tout seul. Ceci dit, j'espère vraiment que des compagnies comme Sony ou Microsoft certainement pas Nintendo, par exemple, vont donner un moyen légal de jouer aux vieilles versions de ces jeux sur des nouvelles plateformes avec nos vieux disques. Je pense qu'on a une chance que ça arrive avec Microsoft, avec Helix, et ce serait vraiment cool. Mais bon, qui sait, seul le temps nous le dira. Monsieur Manteau de répliquer, en vrai, je n'ai pas de problème... Les Canadiens ont gagné 2-1. Oui, tout le monde disait dans le chat. Là. Je n'ai pas de problème avec ma Xbox 360. Les jeux d'occasion fonctionnent toujours, même sans réseau. Par contre, sur PS4, j'imagine pas dans 40 ans. Les jeux physiques de cette génération ne sont que du démat déguisé. Accent aigu et maté. Dématérialisation, maybe. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais très inquiétant. Mais je vous encourage à acheter des jeux PS4 chez Retro MTN et à nous les vendre pour qu'on les revende. Ben oui, parce que 60, on parle de 40 ans. Dans 40 ans, ben moi, pas mal certainement. Ouais, 86. Oh, fin de carrière. Je devrais être en paix avec ça. Oh. Rendu là. On verra bien. Mais voilà, écoute, c'est tout. Je sais pas. Dom Renault, avez-vous joué à North vs South au NES? Rien. Tu peux nous mettre du gameplay. Tiens, ben ça ouais. va. C'est un genre de jeu de stratégie, il me semble. J'ai jamais joué. Marc-André Nadeau. King Nadera dans le chat. C'est-tu Sonic ou Tails qui court plus vite? Ben, c'est Sonic. Sonic. C'est non. Sans contredit. Éric Théroux, tu dois vendre un de tes full sets pour un futur projet dans lequel tu passes la hache. Ça, c'est une très bonne question. C'est ça? OK, ben, je te laisse. C'est une bonne question. Donc, j'ai full set NES, Super NES, Game Boy. Ça serait pas NES parce que c'est mon amour de plus. Oh, on regarde du gameplay de North vs. South présentement. D'après moi, t'es dans une cutscene. Ouais, c'est ça. Tu déplaces des unités sur une map. C'est okay. Très dans le temps de la cavalerie américaine. Là, ouais, tu vois, là, dans la mais... cavalerie contre les Indiens. Là. Dans le... Si vous avez lu les tuniques bleues, les bandes dessinées, ça d'ailleurs, on a battu les Blue Jackets ce soir. Bon. Mais tout est dans tout. Mais ouais, excuse, continue avec tes tuniques bleues. Non, mais ça, tu parlais de genre de, justement le style visuel là, puis l'époque là. Ouais. Ça ressemblait à ça là. Ben c'est intéressant. D'accord. Alors c'est intéressant. Tu déplaces des unités, ils se tapent dessus. C'est comme on dirait une game de risque, mais dans lequel aussi il y a du platformer. Ben ouais, c'est bien weird. C'est okay. Du platforming. Je me demande si c'était pas un jeu de PC ça avant tout qui avait une certaine profondeur. Ça se peut très bien. Ça se peut. Donc, pour revenir à la question d'Éric Théroux, je ne vendrais pas mon full set Super NES en premier. Ça serait Super NES ou Game Boy. Super NES est quand même fucking long et dur à faire. Je pense que ça serait Game Boy. Mais c'est comme me demander quel de mes trois enfants je veux vendre. Je ne sais pas. Là. Parce que j'aime beaucoup ça, avoir toutes les petites cassettes. C'est cœur, hein, puis j'ai beaucoup joué avec mes jeux Game Boy, mais là, je donne une go Super NES. Là. Bon, je pense Game Boy parce que je le trouve un petit peu plus facile à faire, fait que je pourrais le refaire. Rémi Chabot. Quelqu'un amène un Stadium Events complet en boîte au magasin. Tu l'achètes ou tu refuses? Je proposerais de l'avoir en conseil. Ouais, qu'on le parle. Parce que, mettons, l'eau, ça... On... Puis là, je dis, mettons, ça vaut 20 000 ou 25 000. Là, je dis, ça vaut... Mais ça vaut qui? Juste quelque chose si quelqu'un l'achète. C'est ça, là. Parce que si je l'affiche à 20 000, ça veut pas dire que ça vaut 20 000. S'il part à 10 000, finalement, ça veut dire que ça vaut 10 000. Ouais. Alors, mais mettons, complet en boîte, ça vaut 80 000. Puis encore une fois, mais on l'afficherait 80 000, tu sais, plus les taxes. Ouais, je saurais pas comment dealer avec ça. Pour être vrai. Mais, en tout cas. Mais ça serait de la consigne parce que, mettons, la personne voudrait avoir 40 000 pour 50 000, puis là, on essaierait de la revendre et faire un 30 000. 50 000 du compte, puis que t'attends que ça se vende. Ça ben, ça serait beaucoup d'argent à crisser sa tablette. Puis là aussi, il y a le vol à considérer là-dedans, puis toutes les assurances. Fait que ça serait quand même un casse-tête, mais. Mais je proposerais la consigne, puis il y aurait quand même les assurances à tenir compte et tout. Fait que ça serait pas simple. Mais j'aimerais qu'on l'aille pour la consigne. Ouais, ouais. Vidéo Blond. La oui, page. La page Vidéo Blond. C'est quoi la bière parfaite pour un après-midi Vice Project 2? Nick Lachapelle de répondre La Bat Maximum Ice. Question de coucher de bonheur. Ah, Vice Project 2 en après-midi, une petite bière, là, une bonne petite bière. Moi, je dirais la Jesus Crisp de chez Avant-Garde, ici, dans les brasseurs des microbrasseries de Montréal. Avant-Garde aussi, qui sont là depuis longtemps, qui ont un gros portefeuille de bière. C'est une bonne petite bière houblonnée, crispy. C'est comme une lager crispy houblonnée, la Jesus Crisp. Allons-y avec ça. Je dis, moi, je veux dire la source de la microbrasserie, le barrage à Saint-Hubert. Ouh, c'est beau ça. Ben oui. C'est même si c'est un petit peu crisp. Là. Une petite lager avec une petite twist. Ouais, qui est souvent celle que je prends quand je vais dans cette petite microbrasserie-là. Fantastique. Ouais. On drop des affaires. Ben oui. David Lescourt. Retro MTL, si tu décidais d'ouvrir d'autres succursales, le ferais-tu sous forme de franchise ou tu aimerais mieux le gérer toi-même? Moi, le moins genre. Le plus heureux que je suis. Le moins j'en sais. Le moins j'en sais. Comme pour mon travail que je fais en info ici, là. Je vous dis, je suis venu suivi d'hommes. Ah, le moins que tu me dis ce que tu fais, le mieux je me porte. Ah, là, on travaille. Moi, je veux que ça marche, c'est tout. Dérange-moi pas avec les affaires que je comprends pas. Mais je pense pas qu'on serait capable de partir tout de suite avec des franchises. Puis là, on n'est pas là, zéro. Oh. Là, on n'est pas prêts du tout. Puis si un jour on l'essaye, on va peut-être se planter. Parce que si tu pars une franchise, techniquement, il faut que tu fournisses le stock direct comme pour partir la franchise, l'inventaire. Il faut qu'il soit disponible en plus. Là. Ben les systèmes l'inventaire, en effet. Là, on n'est pas McDo. On n'a pas besoin de fournir des fours à burger et des affaires. Mais il serait certainement... Il faudrait qu'on aille, mettons, nos propres hacking. Ouais, ça serait les mêmes partout. Le système de clés, le système... on met où les toutous, on met où les ça. T'sais, c'est des systèmes. Tu veux un système, là. Fait qu'on... C'est de l'inventaire en plusieurs locations, là. Ben l'inventaire, ça se ferait tout seul. Là. Ici, ben, on a un débordement. Pour avoir l'inventaire, oui, mais pour que ton système informatique marche, tu as plusieurs locations d'inventaire là, qui embarquent après exact, ça. Exact, exact. Fait que ça, mais ça dans, prend un gros dans les système. Choses que je te dis pas, la bonne nouvelle, c'est que ton système est prêt pour avoir du multi-inventaire de multi-location déjà. Ouais, ben Shopify permet ça. Là, oui, mais tous les trucs que j'ai fait de rapport en arrière, ils sont tous prêts pour ça. Là, si jamais on en revient à avoir des entrepôts. Là. J'ai rien. Exact. Écoute, c'est ça qu'il faut. Il faut tout mettre ça en place. J'aimerais mieux des franchises, en effet, pour les gérer de loin, mettons. Juste avoir un check-up et récolter les bénéfices sans les saigner, mais garder une harmonie. Mais on n'aurait sûrement pas le choix de commencer avec une succursale ou deux qui, je pense, c'est d'ailleurs ce que Salvatore ont fait. À un moment donné, c'est que tu peux pas avoir 20 succursales. Là. À un moment donné, tu vires ça en franchise, tu sais. Fait que c'est ça. Mais on commencerait avec une autre succursale à tout le moins. Puis je sais déjà 2-3 places où est-ce que je la mettrais. Jean Lamarche. Est-ce que Montembeau a joué son dernier match avec le Canadien? Malheureusement, oui. Parce que oui. C'est drôle comment on n'a jamais rien entendu parler de lui. Ben, t'as-tu vu cette semaine, il servait d'écran à Lainé. C'était comme gênant, hein? C'est parce qu'il servait d'écran entre Lainé et Dobèche. Comme, ben là... Là, retourne chez vous, là. Reste couché, Sam, là. Ah, c'est ça, c'est un peu gênant. Là, t'as genre Fowler qui monte, puis Dobèche qui gole bien, là, de ce temps-ci, là. Ouais. Il vient de gagner encore, là, Dobèche. Il vient de gagner direct là. Hier, il a fait 41 arrêts. 42 exact. Arrêts, quand. Ah non, c'est spécial de voir ça parce qu'il y a une technique un peu tout croche. Il se replace un peu, par exemple. Il se replace, il travaille ça non-stop. Il travaille avec l'autre là, qui est monté. Là, oui, c'est ça, le coach de Laval qui est rendu le coach à Montréal. Fait que tout ça est très bon augure. Je me suis surpris à écouter 3 games du Rocket cette semaine. Ah oui? Genre, j'ouvre RDS parce que j'écoute le hockey puis c'est souvent ça. Là, je suis comme, j'avais écouté ça, genre les joueurs du Rocket. Puis je regarde, je suis OK, lui, il a l'air pas payé, lui, il est moins bon. Genre. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est un bon spectacle. C'est un beau club école. Absolument. Mais, il y avait Harvey Pinard. J'ai écouté la game contre le club école des Pingouins. Puis il joue des Pingouins à cette heure, Harvey Pinard. Là. C'est drôle. Quand ça arrive. Il s'est fait geler solide, d'ailleurs. Ah ouais, hein. Par ses anciens coéquipiers. Oui. Mais je crois en Dobèche comme être un bon gardien de série aussi. Là. Il va travailler fort. C'est le Halak de cette année. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu me dis, mettons, Fowler devient le gardien numéro 1 et Dobèche devient le gardien numéro 2. Très à l'aise avec ça, présentement. Oui. Donne-leur genre 50-30 ou 45-35, je sais pas trop, là, dans distribution. On est en voiture. Hey, Dobèche nous a donné 50 quelques points à date cette année. Là. Ouais. Un peu débile. Là. Non, j'y crois. Même s'il est tout croche, moi... À chèque, ben, il gagne. Il gagnait à chèque. Ouais. Mais à chèque, c'est. Ouais. Mais il avait aussi des légendes. Des coups de bâton, des gens. Il gagnait aussi des Vézina et tout. Là, c'est une recrue d'Obèche, là. Faut pas oublier ça non plus. Là. C'est vrai. C'est vrai, faut pas oublier ça. C'est fou, là. Non, écoute, il a dit ça va à la foule. T'as-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. Il a première étoile mardi, il a dit ça va. Tout le monde fait dans la foule. C'est fou, comme. Juste un petit mot français, puis tout le monde capte. Puis là, après ça, il a dit qu'il voulait pas rencontrer les journalistes. Fait que c'est ça. Oh. C'était le débat aujourd'hui dans les médias. J'écoute beaucoup BBM Sport de ce temps-ci. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que je suis curieux d'avoir des écouteurs tout le temps sur la tête, fait que je me mets de la radio quand je travaille. Peut-être fallait y aller aux toilettes. Peut-être. Écoute, on n'est jamais ça à l'abri d'une petite, diarrhée d'après-match. Alex Neveu, les jeux gradés, c'est-tu moi ou la bulle a pété rapidement? On n'entend plus très parler, en effet. Et puis, je pense que Wata a été racheté. Ah, alors, ouais. Je me suis pas trop renseigné de ça. Ici, on nous en offre jamais. Ah non? Il n'y a jamais personne qui en a. Puis c'est drôle parce que à l'époque, nous, on avait envoyé des jeux de GameCube sur Fire Graded. On voulait l'essayer, tu sais, on en avait. Ouais, ouais. Et puis, ils sont revenus, puis là, ça avait fait un tollé. Retro MTL, les hosties de mange-marde, on pensait que c'était du bon monde, mais non, ils encouragent le grading, tatata, okay. Puis, oh, ouais, puis là, les grosses affaires, c'est CCJVQ, puis là, on sait bien. On pardonne, hostie, papa cassette, hein, mais là, les autres, par contre, c'est des trous de cul quand ils ont du grader. Ben oui. Ouais, ça avait fait deux jours de gestion. Pas de gestion, mais d'observation. Ouais. Mais, en tout cas, je te jure que le monde. Puis non, puis whatever. Puis là, quand le monde a vu ça, dans la même journée et le lendemain, il y a quelques personnes qui ont communiqué avec nous pour nous proposer si on voulait en acheter. Okay. Genre des jeux de DS gradés, des articles. Des jeux de DS gradés. Chris, on a des jeux scellés en magasin. Allez sur le site de RetroMTL, on a un onglet scellé. Là. On a une catégorie scellée. Ça existe. Ça s'appelle scellé. C'est pas des jeux neufs, là. Parce que les jeux neufs, c'est les jeux neufs. Ils sont tous scellés. Mais les jeux qu'on met dans scellés, c'est à partir de PS4 en descendant. Ouais, ouais. On les nomme scellés parce que parfois, on fait des promotions puis on fait jamais des promotions sur les jeux neufs parce qu'il n'y a pas de marge là-dessus. Ouais, ouais. Mais les jeux scellés qu'on a ici, on les achète en CIB. Là, mm-hmm. Puis ça nous tombe dessus comme ça par hasard. Puis on veut les inclure dans les promotions parce que si on les mettait neufs, on pourrait pas les mettre en promotion. Puis on veut les vendre. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, des jeux scellés en disque, on en a plein. C'est pas rare du tout. OK, là, si tu trouves un Wind Waker GameCube scellé, puis c'est ça qu'on avait envoyé à Wata, c'est peut-être un peu plus intéressant. Mais, cela dit, le grading, moi, c'est le néant. Ben, je vois sur des groupes Facebook du monde qui essaye d'en vendre. T'sais. Puis là, je me rappelle, il y a une couple d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, des images de Game Room avec des racks et des racks de jeux gradés, des gros casings de plastique, n'importe quelle cochonnerie. Tout le monde gradait tout. Ouais. En tout cas, ils ont fait leur argent. Ce monde-là, laisse-moi te le dire. On va en rire. Puis là, tout le monde s'est pogné avec ça chez eux à cette heure. Fait que non, c'est une vraie farce quand même. Mais je serais quand même d'accord pour faire grader mon Stadium Events, par contre. Ben, tu sais, parce que c'est un vrai jeu rare. Ouais, puis c'est, je veux vraiment authentifier dans le but de le vendre, tu sais, puis tout ça. Mais je ferais pas grader des jeux, tu sais, mais Mario Duck Hunt. Ben, où j'ai il y a pas de boîte à ça. Ah ouais, en plus. Mais mettons un McKid Seal, même si j'aime le jeu, tu sais, que j'en parle tout le temps, je ferais pas grader ça, tu sais. Donc voilà. Alex Morancy, j'ai adoré l'épisode avec Bruno, comme dans le bon vieux temps de Rétro Nouveau. Quels seraient vos invités de rêve? Ah, les Denis de Relais, moi, pour vrai, parce que leur humour est tellement teinté de jeux vidéo tout le temps, là, puis j'aimerais ça. Je pense pas que je les ai déjà entendus parler de ça. De gaming? De gaming, oui, mais de comment le gaming a influencé leur humour. Ah, il l'a-tu influencé, tu penses? Ben, c'est sûr que oui, là. Des fois, Seth fait des jokes de jeux vidéo. Il drop des affaires random de genre... De Solomonski, que personne comprend! Il drop un genre le nom d'une manette de PC, genre des affaires weird. Ben voyons, là, c'est genre pour trois personnes, cette gag-là. Sais-tu quoi? Je devrais me réinscrire à Reinscrim. Ah, moi, toutes les semaines. Là. J'écoute juste des affaires d'entrepreneuriat. J'écoute de même plus en podcast, j'écoute juste en vidéo Reinscrim. Ouais, c'est ça. C'est trop débile. Ouais, c'est ça. Ah, je devrais. Je pense que ça me ferait du bien. C'est une bonne heure de vidage de tête et de criage Reinscrim. Ben, moi, j'ai pas d'idée. J'avais déjà dit, parce qu'on nous a déjà posé cette question-là. Ouais, j'avais déjà dit Louis Morissette, que j'admire beaucoup, peut-être, mais je saurais comme pas trop quoi y dire, à part pour essayer de le convaincre de faire une branche KO jeux vidéo. Ben oui. Puis, tu sais quoi? Moi, j'ai des contacts. Hein. Je suis à une personne de pouvoir. Deux personnes d'être en mesure de rencontrer Louis Morissette. Ah ouais, OK. Fait que il est très proche de moi d'une certaine façon maintenant, et je trouve ça très drôle. Non, Denis Palette, il game aussi là, mais c'est Denis. Il game dessus, il en parle pas bien. Des fois il drop une couple d'affaires là, mais je pense pas qu'il game activement comme Sébastien là. Non, c'est ça. Lui c'est vraiment un gamer là. Ouais. L'autre c'est un artiste là, il produit des shows de théâtre là, puis Il fait le show de Jean-Michel Martel, pas comme ça. Là, que... Ouais, c'est vrai. Mais sinon, qui a invité Drive? Je sais pas. Hein? Sinon, on serait déjà en train de l'inviter. Là. Ouais, tu sais, moi, les vedettes, je sais pas. Non, je. Al Pacino. Chaque fois que je dis. Tu comprends? J'ai pas dit. Personne connaît Al Pacino, ces affaires de vieux, ça, j'imagine. Tu sais, j'ai bien plus d'intérêt hein, qu'on invite Giz, mettons, que Al Pacino. Là. Justement, là, c'est bien plus fun, ça. Là. Exact. Puis, où est-ce qu'il y avait? Ben, il y en a des. Tu sais, Lane Hudson, il était là. Ah, ouais, ouais, un joueur du Canadien, peut-être. Mais mettons, il s'assoit ici. Tu sais, Lane Hudson, sa vie, moi, elle m'intéresse pas. Ah, moi non plus. Je sais c'est quoi qu'il a fait. Là. Il a joué au hockey tout le temps jusqu'à ce qu'il devienne pro. Quand il est en pause, il va jouer au hockey. Exact. Ça. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? S'il aime la cuisine, tout le monde m'en calisse, tu sais. Comme, tu comprends? Je trouve pas ça intéressant, vraiment. Moi, j'aime ça parler avec du monde intéressant. Puis le monde intéressant, ce sont pas nécessairement des vedettes non plus, tu sais. Fait que... Ben, Giz, on l'a déjà eu, hein, en passant. Ben oui, ça, j'ai retourné voir les derniers... Ben les oui, c'est un des invités qu'on a eu. Sinon... Bon, on continue. Pat Larrault, c'est quoi votre manette préférée et votre manette idéale qui ne peut être jamais existé le cas échéant? Qui n'a peut-être jamais existé le cas échéant. Allez, question de manette, il me semble qu'on en a beaucoup. Hein? Ben, la 8-bit Do Super NES, là, moi, pour ma pocket, là. Tout ce ouais. qui est rétro, je joue avec ça. Puis sinon, tout ce qui est PC, je joue avec les manettes d'Xbox 360. Ah ouais, hein? Ouais. Encore à ce jour? Ouais, j'ai encore les mêmes que j'avais qui étaient accrochés au mur avant, là. Je les ai encore. Là. C'est mes manettes de gaming. Ouais, Chris. Ils font la job. Manette de Super NES pour ce qui est rétro, c'est bien idéal. NES parce que j'aime bien ça aussi. Fait un petit peu mal aux doigts à long. Ouais, ouais. Moi, c'est classique de même. Là. La Dog Bone de NES, en fait, du top loader. Ferdinand Social. Ouais, Ferdinand Social. Denis Talbot, que le monde dise comme invité. Oui, mais en même temps, il podcast à chaque semaine. Tous les soirs. Qu'est-ce que j'y demanderais? T'sais, là, raconte-nous Musique Plus. T'sais, comme... Parle-moi de jeux vidéo, Denis. Qu'est-ce qu'on se dirait? T'sais, c'est ça, je sais pas. Puis je me suis rendu compte que je suis pas tant intéressé à faire des entrevues t'sais, puis à questionner. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est parce que le monde ne sont pas intéressants. Mais ce qui mettons, quand on a eu Gawette, tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'est son parcours entrepreneurial que je ne connaissais pas. Alors, parle-moi de ça. Ou il y a du monde, j'aimerais des politiciens, tiens, PSPP, esti. Ça m'intéresserait parce qu'on pourrait s'obstiner. Ou Éric Duhem, on pourrait s'obstiner. Mathieu Boccoté, ben j'aimerais là, justement, Olivier, là. Olivier Primo. Ben oui. Ben peut-être, hein, en effet. Comme ça, on pourrait s'obstiner un peu. Je pourrais... ça serait intéressant. En effet, ça serait plus du monde politique. Que j'inviterais, je te dirais. Voilà. Bon, Nick Lachapelle encore avec ses hosties. Top. Top 5 des jeux qui vous donnent autant de plaisir que de douleur. Je sais pas s'il écoute le show vraiment. Je pense pas. Ou il fait juste nous dropper des tops tout le temps parce qu'il sait qu'on est tanné de ça. Moi, il y a un bloc-notes dans son téléphone puis il y a plein de tops à nous dropper à chaque semaine. Top 5 des jeux qui donnent du plaisir autant que douleur. J'ai pas ça. Super Meat Boy. Ah. Ce genre de jeu-là. Oui, oui. Tu sais, Super Double Dragon, parce que c'est slow calcris, c'est répétitif. Ouais. Mais tu sais, mais j'aime ça le faire de temps en temps. Il me donne pas de la douleur, mais tu sais, c'est comme... la plupart du monde n'aime pas ce jeu-là. Bobo, à la fin, il me donne de la douleur. Là, ouais, à un moment donné, c'est long. Ouais, c'est ça. T'aimes ça, mais ça va te finir. Ah oui. T'as Jeff Fillion que King Nadera dans le chat. Il obligé. Dit, j'ai écouté, il est allé à un podcast, je sais plus lequel, Jer Alain, là, peut-être. Là, puis, tu sais, moi, je pourrais. Puis, tu sais, moi, j'ai subi Radio X là, à côté. Là, quand je travaillais dans les usines, puis tout, je trouvais ça dégueulasse, terrible. Là. Mais, puis Jeff Fillion, il est comme déconnecté. Solide, là, je trouve. Oh, ouais. Il est creux, là. Tu sais, il est too much, là. Tu sais, il est plus capable de faire la part des choses ou de donner ou de reconnaître des affaires, tu sais. Puis là, quand il était parti dans les skidoo, man, puis tout ça dans cette entrevue-là, je suis comme, OK, là, oublie ça. Là. Ce gars-là, il... c'est de l'amphiroipage, tu sais. Oui, c'est ça que c'est quand tu écoutes ça. Écoute, Nick, c'est ça, là, pas trop d'idées. Vas-y, Nick. Un autre top botché de Nick Lachapelle. Sébastien Trottier, allô à vous deux. Tannée de l'hiver, pouvez-vous me nommer une pépite cachée de jeux vidéo qu'on n'entend pas souvent parler? Ben, les Hidden Gems, ça va être difficile à trouver. Là, ils ont été beaucoup défrichés, les Hidden Gems. Ouais, c'est ça, là. J'ai pas de. Trial of Karzoid. Ouais. C'était bon. On va essayer de nommer une couple de jeux Switch, Metroidvania, peut-être un peu moins connu. Time Spinner, j'ai aimé ça. Je pense que j'ai déjà nommé dans le passé Chasm, Chasp, donc Chasm. C-H-A-S-M. Oh, ouais. Chasm, c'est excellent. On dit McKids dans le. McKids, voilà, ouais, ça c'est. J'arrête pas c'est de le dire. Toujours ça, McKids. Little Nemo de Dream Master, un beau petit platformer. La petite sirène, tout le temps. Kekol Québécois. NES Game Boy de sirène. Opération Logic Bomb au Super NES. Ça, c'est très, très, très bon. True Lies au Super NES. Oui, oui. Gargoyle's Quest au Game Boy et le 2 au NES. Des affaires que le monde ne joue pas assez. V'là plein de pépites. Ben ouais. Quel autre... Astronite. C'est un Metroidvania que j'ai fait à Retro Nouveau un moment donné. Pochette chose. Vraiment dégueulasse, là, comme un dessin d'enfant. Là. C'est les pas jeux d'enfant. Sexe sur Atari. Tous les jeux sexes sur Atari. Fait que, pour les jeux qui donnent la douleur et du plaisir, Cuphead. Cuphead, oui, oui. mais c'est pas une pépite cachée. Non, c'est pour la question d'avant. Exact. Ah oui, pour la question d'avant, oui. Douleur et plaisir, Cuphead. Cuphead, c'est un bon. Très, très, très bel exemple, en effet. Dernière question très simple de Eric Hébert. Sidekicks ou Last Action Hero? Sidekicks, c'est pas les pochettes Lipton. Là. Oh. C'est un jeu avec. C'est un film de Chuck Norris qui est comme un professeur là, qui a un apprenti. C'est comme Karate Kid, mais de Chuck Norris, on dirait. Et puis. Oui, ok. J'ai jamais écouté ça. Là. Je l'ai peut-être vu, mais... Ah, peut-être, je l'ai vu aussi. Ça doit être mauvais à mort. Je l'ai-tu vu ou j'ai juste vu la pochette, là, probablement? Là. Ouais. Moi, je me rappelle de la pochette, les deux qui kick en même temps. Là. Mais Last Action Hero, oui, par exemple. Là. Moi, j'ai jamais vu à Last Action non, Hero. C'est tellement bon, ce film-là. C'est bon, ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Là. Avec le billet de cinéma magique. Là. Puis, j'ai jamais vu True Lies non plus. True Lies, c'est bon aussi. Ah, j'en doute pas. C'est ça, c'est du bon Schwarzenegger, ça. True Lies, c'est genre James Cameron, me semble, en plus. Là. Ouais, c'est ça, là. C'est pas des tout nus. Ça avec, ça doit être réalisateur. C'est bon, ça. On mettra ça au wig. Hein, pour se reposer, là, ben ouais. Avec une petite tisane. Fait que, écoute, Eric, je peux pas répondre. J'ai vu aucun des... Ben moi, je réponds Last Action Hero. Mais je pense que Sidekick, c'était de la merde legit, là. Il y a rien vraiment qui était de Chuck Norris qui était bon. T'as-tu arraché ton pied de micro? Ben oui, je viens d'arracher mon pied de micro. Qu'est-ce que la plante a là à dire de ça? Ben c'est oui. Vrai, elle a raison, il s'en vient un peu tard. Elle t'a fait raison. Comment ça, j'y prends le pétard? Bon, ben... J'aime bien les jours où il se passe rien. Ah, elle l'a dit tantôt, ça. Ah. On serait à la fin du spectacle. On serait rendu à la fin du spectacle, allons-y. Un autre défaite! Alors, laisse-moi regarder l'horaire des jours à venir, qui seront peut-être des jours heureux. Aujourd'hui, on est le 26, donc la semaine prochaine, il n'y a rien. Non. Ensuite, ça nous mettrait au 9 avril. Le 9 avril, selon mon horaire, il n'y a rien. Un de mes enfants a une relâche, mais sinon, on devrait être... Hey, les maudites relâches. Ouais, ben moi, ça m'impacte ouais, plus. Toi, peut-être, mais... Comme ils restent à la maison, puis ils sont bien contents, puis j'ai pas besoin de m'en occuper. Fait que on devrait être correct. Je vois rien à l'horaire présentement jusqu'au prochain WEG. Ouais. Puis c'est pas une semaine où on avait un show d'habitude. Fait qu'on non, c'est ça. Aussi. Fait qu'on devrait être correct pour être là dans deux semaines. Et puis, c'est ça. T'avais-tu des choses à ajouter? Non. Non. Bien occupé, bien des choses à faire. Là. C'est... Exact. La vie. Sinon, vous avez peut-être vu, si vous suivez ma page Facebook, que je fais des stories de Black Thorn présentement sur SpyNS. Et puis, je veux lui donner une chance. Ben, j'y ai donné sa chance à l'époque. Je le louais, ce jeu-là, tu sais. Puis, à un moment donné, bon, j'arrêtais avant la fin du premier monde. Et là, je suis rendu au troisième monde. Puis, je veux pas aller voir combien il y a de monde sur Internet. Ah, okay, ouais. Mais j'ai énormément de plaisir. Pour vrai, là. Puis je savais que ce jeu-là, j'aimais ça dans le temps. Mais je me tannais, mais là, je persévère. Et pour vrai, le jeu devient pas tant si plus dur. Tu sais, okay. C'est tout le temps égal, cool. Alors, j'adore ça. Puis je veux continuer de donner de l'amour au Super NES. J'ai fini Capitaine Commando aussi. Ah, j'ai joué à ça. Publié ça sur la page Facebook de Finir des cassettes. Alors, je vais essayer de donner de l'amour au Super NES et amener un peu plus de Super NES dans le spectacle. Je vais revenir un peu sur le VR, moi, là. J'ai des jeux dans mon backlog. J'ai des backlogs partout, là. Des fois, je fais-tu de l'arcade? Je finis par rien faire, là. C'est ça, le problème. Écoute, tu feras ce que tu veux, mon ami. Ben oui, ben oui. Mais on a toujours la télévision et l'Atari pour se divertir. Pour se forcer. Ben oui. En plus, ça joue rapidement. Ben oui, c'est pas si forcé. On félicite Steph Talbot dans le chat. Il est 5 en 5 dans son full set. Et pour une cinquième fois, il n'apparaît pas dans le chat. Faudrait que tu arrêtes ton téléphone, peut-être, là. Le bout préféré de SSS Frank aujourd'hui, c'était le segment philosophique sur la religion. Wow! Ah, je pensais que ça allait être quand on s'est emporté. Mon pointage de coche sur Julien Lacroix. Ouais, où je me suis emporté contre les conservateurs puis en jeune de poitrine. Beaucoup de chiolage puis d'aujourd'hui puis de politique quand même. Des fois, c'est, ça en prend. Je suis content qu'il y en ait un peu. Ça prend ça, ben oui. Ça prend ça. Bon, ben sur ces bonnes paroles, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été là puis on se revoit dans deux semaines. Bye tout le monde! Bye!